dans la vie de croisière d'assemblage requis. Alexandra Carignan nous présente la syndicaliste et féministe québécoise Madeleine Parent. Et Simon Fitzbé se rend hommage à lui-même parce que sinon, qui va le faire? Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à la dernière édition de l'été de la vie de croisière d'assemblage requis pour cette belle semaine, cette belle et courte semaine, je dirais, du 27 août 2012. Salut Alexandra Carignan. Bonjour Mathieu Plante. Ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Oui, très très bien. Courte parce que, Caroline, le temps passe tellement vite et c'est déjà la dernière émission de l'année. Ben c'est ça en fait. Il me semble que c'est hier que j'avais décidé d'être co-animatrice avec toi. Oui, tout à fait. Je crois que c'est au mois de juin, au début fin du mois juin, de juin. Fin juin, ouais. Ouais, mais on a passé de très bons moments ensemble et on va en revivre plusieurs dans le futur. Certainement. Et même dans le présent, parce qu'on va passer un instant classique tantôt ensemble, donc les meilleurs moments de la semaine passée. Et je le passerai pas à l'émission d'aujourd'hui. Je réserve ça pour François-Olivier, qui va recommencer à animer avec moi à partir de mardi matin. Oh! Mardi, mercredi, jeudi. D'habitude, on est du lundi au jeudi, mais on commence mardi. Bon. Entre 7h et 9h. Et je lui ai préparé les choses les plus importantes à savoir de ce qui s'est passé à l'assemblage requis pendant l'été. Ah, une espèce de recap, là, pour pas qu'il perde le fil. Là. Lui qui, j'imagine, écoutait à chaque semaine l'émission. C'est sûr, c'est évident. Pendant les 4 heures, là, même qu'il écoutait toutes les reprises. Ben oui, comme tout le monde. C'est le job à temps plein, écoutez Assemblage requis. Ben oui. Donc, c'est les meilleurs moments. Alors, pas les meilleurs moments, mais les moments importants, les nouvelles chroniques, les gens qui sont ajoutés, etc. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, on a à notre dernière édition David Ferron qui s'en vient avec sa chronique La langue dans ton oreille. En fait, il va piloter sa nouvelle chronique. Lui qui faisait Graines de pivot depuis le début de l'année, David, si je me trompe pas, c'est à peu près le début de l'année? Ben, en fait, je pense que je suis arrivé tard à l'émission Assemblage requis. J'étais un jeune poulain quand vous m'avez accueilli, François-Olivier et toi. Un étalon bien membré, hein? C'est ça? Bien. Comme un étalon, non? Oh là là. J'ai un bon coup de sabot. Bon, parfait. Oui, pour bien galoper ma chronique. Il compense avec son sabot, c'est bien. Donc, David Ferron, la langue dans ton oreille, qu'est-ce que ce sera tout à l'heure? Est-ce que je peux garder ça surprise? C'est un secret, parfait. Parce que ceux qui connaissent La langue dans ton oreille... Eh bien, l'émission, on parle de l'émission qui avait lieu juste avant nous, les jeudis à midi. Oui. Mais non, mais c'est parce que là, je suis comme déçue. On est habitué d'avoir un espèce de titre énigmatique à se mettre sous la dent. Et là, on n'a rien. Ben, La langue dans ton oreille, c'est déjà assez... Ben, t'as de la salive, en tout cas. Dans ton oreille, fait. Ouais. Fait avec, hein? Ben, je peux en trouver un. OK, c'est bon. Pas pire, ça. Non, mais c'est dit tant qu'il y a du mystérieux d'habitude. Je vais faire le comble du mystère et rien dire. Ah, ben, je pourrais appeler ça le trio mystérieux. Oh, OK. J'aime ça. Superbe, ça. Superbe. Je suis comblé. C'est comme à la cafétéria, la viande mystère, des fois. Wesh! Donc, c'est la langue dans ton oreille dans quelques minutes. Ensuite, en fin de première heure, Alexandra, tu vas nous éclairer sur une personne québécoise cette fois-ci. Exact. Maladie du jour, Madeleine Parent, qui est une syndicaliste assez féroce dans le milieu québécois. J'en ai pas souvent exploité des femmes québécoises et pour expliquer leur... Raciste. Effectivement. Mais je me suis dit, pour terminer en beauté, quoi de mieux que de signaler notre histoire nationale et les femmes importantes qui sont importantes? Oui, ben c'est pas important. Oui, tout à fait. Ben oui, qui sont importants. Tu sors ta fibre patriotique. Exactement. Ben, c'est les élections, hein? Ah! Alors, une raison de le faire. J'ai une raison de le faire, c'est ça. En deuxième heure, Alexandre Cloutier sera de retour pour nous en apprendre plus sur la culture des armes aux États-Unis. Ensuite, en troisième heure, Simon Fitzbé fera sa dernière chronique pour les nuls. En fait, lui, tu sais, a varié cet été entre pour les nuls et phénomènes. Il va se rendre hommage à lui-même. Donc, je me demande si c'est peut-être phénomène. Je sais pas. Moi, je crois que ça va être délectable comme chronique. C'est sûr qu'on va adorer ça. On va rire dans notre barbe, même si ma barbe n'est pas faite. Fait que je pourrais rire tu dans ma barbe. Tu peux rire dedans. Moi, je peux pas rire dans Simon, c'est plus facile de rire dans sa barbe. Ouais, lui, c'est... Mais, ouais. Tu pourrais rire dans son pad aussi. On regarde. Sa blonde trouve qu'elle a les cheveux longs. Ben oui, elle sait qu'elle a les cheveux longs. C'est un insight. Donc, c'est ça. En plus de tous ces beaux gens-là, on aura aussi nos chroniques maison, comme c'est un fait, et Sex Smith, ça devrait répondre. Ouais. Entre autres. On n'en nomme pas plus. Il y en a sûrement d'autres que ça. Oui. Bon. Donc, voilà pour cette dernière édition. Et côté musique,

Mais si tu mets le travail avant, tu mets comme tout le travail avant, et après ça tu peux dire 30 secondes, c'est pas si dire. Exact. Ça faut te mettre ta pre-prod, faut te mettre ta préparation en avant. Et puis ça, ça peut durer un an. Hein? Ça peut durer une vie. Une vie. I'm hoping that I could be home right now. The feel of the breeze, the smell of the trees under my brow. Stairway, c'était une nouvelle entrée de la semaine du 2 avril 2012 et ça a duré un bon bout de temps dans le palmarès avant qu'il change de pièce pour Radio. Et moi, justement, c'était Radio. Ah, c'est vrai, j'ai même juste pas avant que Galop, qui était dans le palmarès francophone, qui restait là, en fait, elle était là la session dernière. Elle était là depuis le 9 avril. Donc, ça fait pas mal de temps, mais elle est si bonne. Moi, j'étais contente qu'elle y soit. Vrai, hein? Ça rend horny, selon certains. Selon certains. Ah, je sais pas ce qui a dit ça. Je sais pas. Je sais pas. Donc, avant de continuer avec nos prochains choix, entre autres, Lisa Leblanc. Eh oui! J'ai hâte! Mais non, mais tu sais, moi, je l'aime beaucoup, Lisa Leblanc, oui. Mais aussi, je sais que t'as détestes. Donc, pourquoi pas la mettre dans le palmarès? C'est ça, l'émission, hein? C'est ça, l'émission, c'est de s'interpiner, se co-copiner. On scorait la campagne électorale entre Marois et Legault. Pareil, qui est qui, par contre? Je suis clairement pas Legault, moi. Ben, Marois, parce que t'es la fille pour Alexandra, puis Legault, parce que t'es le gars. Parce que je commence à être gros. C'est ça que t'es en train de me dire. On n'a pas dit le gros, on a dit le go. Okay, non, c'est pas parce que t'as un choix vestimentaire douteux non plus. Non, c'est pas mon choix. Hey, tantôt, mon Podia, pour ne pas le nommer. Monsieur Podia. Ok. Il m'a demandé si mon chandail, ça représentait Internet, parce que c'est comme des tuyaux. C'est cool, hein? Ça représente quoi, en fait? Tu vois, des carrés. OK. C'est comme des carrés mauve et bleu, comme fait, quadrillés un ça peu. Ça ressemble à ce que je faisais à la maternelle. Okay. Tu sais, on... Tu me traiter de bébé, en plus, toi, là, hein? Non, mais tu sais, on tissait des linges à vaisselle, là, oh, avec ouais. la grosse corde. Ça ressemble à ça. Ah, ouais. J'ai manqué ce fun, là, moi. Hey, je me rappelle, puis en plus, à un moment donné, on prenait deux cartons, puis on les cousait ensemble pour faire des sacoches. Pas des sacoches ou des sacs aussi, n'importe des quoi. Des sacs là. Bananes, au pire. Oh, des affaires de même, ou encore des espèces de petits sacs qu'on trimbalait, là. Ah. Oh, nostalgie quand tu nous tiens. Ben ouais. Oui. Ah. Hey, c'est le genre de discussion qui vont me manquer quand on va faire juste deux heures de palmarès. on continue avec la chronique de David Ferron. Voici l'émission pilote, donc émission numéro 00000, parce que c'est un pilote. Ouais. De la langue dans ton oreille. Salut David. Bonjour. La langue dans ton oreille, c'est ta première chronique parce qu'avant, t'avais une émission qui s'appelait La langue dans ton oreille. Oui, finalement, j'ai décidé de condenser ça en 15 minutes, mais ça va être aussi bon que quand j'animais l'émission La langue dans ton oreille sur les ondes de C'est fou, 89 FM. Tu as gardé tes formules. Oui, je sais, c'est un réflexe. Même moi, j'ai failli d'introduire ma propre chronique. Oui, hein? Oui, c'est le réflexe d'introduire l'émission quand on le fait. Là. C'est nous autres qui t'introduis, c'est nous autres les boss. C'est okay? Nous autres, c'est nous autres. Shut up. Ouais. Shut up and gallop. Shut up and gallop, David, s'il te plaît. Présente-nous pour commencer le concept de ta chronique. Ben, en fait, la chronique, en quoi ça diffère de Graines de Pivot, c'est que je vais être beaucoup plus orienté vers la culture en tant que telle. Tandis que Graines de Pivot, c'était très ouvert, mais j'avais un côté davantage politique. Tandis que La langue dans ton oreille, ça va être surtout musical, mais il n'y a rien qui m'empêche d'avoir une ouverture sous les autres formes d'art, comme le gribouillage, les tatouages à la pastel ou des trucs de même. OK, parfait. Ça va être très bon. Et donc, n'importe quoi. Est-ce que c'est, tu dis culture, mais est-ce que c'est francophone, étant donné le principe de la langue dans ton oreille, c'était ben, le français? Ben d'ailleurs, c'est ça, tu lèves un très bon point, parce que la langue dans ton oreille, c'est ça. C'est la langue francophone dans ton oreille, donc que tu écoutes à partir de la radio. Ce n'est pas une émission érotique, ni une chronique non, érotique. C'est juste baveux. Ouais. Même si ma chronique peut être bandante. Wow, OK. Là, c'est... Ouais. Là, pour vrai... Ben, y en a qui trouvent la plateforme d'Option nationale bien bandante. Oh, mais hey. Pas juste la plateforme. Et puis, ça veut qu'il n'y a pas de commentaires politiques dans ce chronique-là, toi. Hein? C'est pas moi qui l'a... On peut sortir... Je peux me sortir de la graine, mais on peut pas sortir de la graine de moi. On sort pas la graine de David. Hein? Je parle de graines de pivot. Je vous dis, c'est tout un début de chronique. Ça va pas bien, l'avion crash pour un pilote. C'est fameux, c'est fameux, je veux dire. Donc, culture et langue française, oui. Et tu commences avec quoi aujourd'hui? Ben, je vous présente les trois mystérieux. Les trois mystérieux? Ben oui, trois chansons, en fait. Une artiste du Québec, un artiste de l'Europe et un groupe, en fait, le leader du groupe est algérien d'origine, mais le groupe est québécois. Donc, je vais commencer par notre artiste québécoise qui tarde à se faire connaître et qui mérite tellement de se faire connaître, Michel O. Je sais, Mathieu, que tu fantasmes sur Lisa Leblanc. Je trouve que c'est une très bonne personne, mais son style musical ne me touche pas et même me repousse un peu. Ben, tu vas adorer Michel O. J'en doute pas du tout, hein? Parce que ça ressemble beaucoup, mais par contre, je sais qu'Alexandra aime beaucoup Lisa Leblanc. Oui. Ben, tu vas aimer Michel O. Ça okay. Se pourrait que tu l'aimes. Ça se peut que tu trouves ça très différent, mais les deux me font penser beaucoup... En fait, je trouve qu'il y a des points de ressemblance, mais l'album « Assis dans ma tête » de Michel O me fait penser aussi au Chihuahua de Marat Tremblay, le côté rock, brut, énergie brute, mais le côté tendre aussi, tout ça mélangé dans du country folk trash contemporain. Donc, je vous présente « Assis dans ma tête », en fait, qui est issu de l'album « Assis dans ma tête », mais qui est aussi dans l'édition... La réédition, pardon, d'Assis dans ma tête qui est sortie il y a quelques semaines. On écoute ça. À une croisière d'assemblage requis, c'est la langue dans ton oreille. Yeah. À couper trop tard, j'en ai bien peur. Facile à dire, impossible à faire. Fallait pas éteindre mes lumières. Petite bombe dans mon cœur, il fait tic-tac, tu vois. T'auras qu'à compter 1, 2, 3, et c'est promis, tu m'oublieras. et de me réparer. Étrange comme sa peau reste blanche, un peu comme les nuits où j'ai pas sommeil. J'attends longtemps le soleil. Qu'on se fiche la paix un peu mieux. Pourtant ça m'embête pas de voir que tu t'en vas. Si moi j'aurais fait pareil, si moi j'en peux plus t'abîmer le soleil. Ah ah ah ah. Tu joues avec mon feu et ça m'ennuie un peu. À force de m'allumer, tu sais, t'as manqué de nuit. J'ai plus de guerrière assise en Indien dans ma tête. Sans doute que j'aurais fait comme elle, ouvert la porte pour voir un peu le soleil. Ah ah ah à dire, impossible à faire. Fallait pas éteindre mes lumières. Un petit vent dans mon cœur et fait tic-tac, tu vois. T'auras qu'à compter un, deux, trois. Et c'est promis, tu m'oublieras. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, c'était Michel O avec « Assis dans ma tête », tiré de l'album justement qui s'appelle « Assis dans ma tête » et vous avez écouté ça sur les ondes de C'est fou 89.1 FM dans le cadre de l'émission « La vie de croisière dans Sablage requis » animée par Mathieu Plante et Alexandra Carnian. Et profitez... ça n'a pas fini, il y avait d'autres choses encore. Pas grave, on profitez va finir. Profitez de... Profitez, parce que c'est la dernière. Wow! Alors. En fait, on va continuer, ça va être une autre émission, mais quand même, oui, c'est la dernière fois qu'on fait cette émission aussi dans cette case. Oui, oui, mais vous allez nous revoir pareil. Oh, indice, clin d'œil, clin d'œil. Oh là là, c'est dur de faire les clins d'œil à la radio. Avec le son, c'est plus évident, mais en même temps, on dirait que t'appelles un oiseau ou un écureuil ou un morse. Ah. Tu sais, quand tu tapes, tirer long, petit ou que tu regardes une fille en faisant comme un... Bon, hein? Tu capes, ouais. Ouais, c'est ça. Une petite trousse comme Ariel Grenier. C'est tout, oui, sauf la dernière partie de la phrase. Ah, OK. Ouais. Ouais. Donc, David, deuxième choix dans ta chronique, la langue dans ton oreille. Ben, c'est un chanteur italien qui s'appelle Gian Maria Testa. Qui est Gian Maria Testa? Mais d'abord, il a commencé sa carrière de musicien dans des groupes rock. Mais là, il s'est tanné dans des groupes. Il s'est dit, je pars en solo. Donc là, il continue, commence à faire des concours en Italie. Et là, il y a une madame qui s'appelle Nicole Courtois. Et qui est Nicole Courtois? C'est, si vous connaissez un peu la chanson française, eh bien, vous allez... en fait, c'est la mère de Arthur Ashe. Donc... Ah. Arthur Ashe, qui est également le fils de Jacques Higelin. Oui, et ça, c'est le gars avec la guitare rose, entre autres. Ça, c'est plus M. Non, c'est M, ça, t'as raison. Ouais. T'as raison. M, c'est le fils de Chédid. Oui, Louis Chédid. Oui, Louis Chézid. Okay. Oui, c'est il y a plein de fils de puis de comme ours et. Ce qui est drôle, c'est que Arthur Ashe et M ont fait une chanson ensemble. Ah oui? Peut-être ça. Ben oui. Allez, oui, je me rappelle plus c'est laquelle. C'est Est-ce que tu aimes? Attends, je me rappelle plus de celle-là, mais je vais la redécouvrir grâce à toi, Alexandra. Ouais, que de conseils. Que de conseils. Wow, merci. En fait, Gian Maria Testa, en fait, c'est ça. Il est repéré par Madame Courtois qui signe en fait qui l'aide à produire 5 albums. en France. Donc, sa carrière ne commence pas en Italie, mais en France, où ce que là, il va faire des bonnes salles, comme celle de l'Olympia. En France, les Olympia, c'est quand même des bonnes salles pour faire un tremplin musical. Mm-hmm. Et donc, le style à quoi ça ressemble, ben, ça me fait... C'est une espèce de mélange entre Georges Brassens, Marco Cagliari, Diana Krall, parce que ce qu'il fait, c'est surtout du jazz, et Francis Cabrel. Francis Cabrel, hein? Ça me ramène à mon enfance, là. Oui. Ouais. Pas dans le bon sens. Mais non, c'est meilleur que Francis Cabrel. OK, merci. Pas. C'est meilleur, pas mal meilleur. Donc, on va écouter Petite Reine de Gianmaria Testa. Ça va nous reposer de Michelot. Est-ce que tu veux faire l'introduction dans la chronique? Des fois, je te pile par-dessus. Il n'y a pas de problème. À la chronique, les langues dans ton oreille, ça, OK? Je l'ai dit. On écoute. Chut. Dans l'arène, c'est ça l'amour, petite reine. Un taureau dans le ventre et le sourire aux lèvres, des paillettes et du sang. La foule loin d'ici, dans des pays extrêmes. La vie c'est bien court quand on court après l'amour. Déjà c'est serré le bonheur contre mon cœur. Déjà c'est dans mes bras. J'avais parlé de Horny tantôt, c'est Loverboy pas mal, ça? Ouais, mais en fait... oui. Ça... Hein? Ça lève le petit galon un petit peu, ce ça lève bien les choses, mon dieu. Dans le pantalon! Wow. Pense à Ariel Grenier. Qui? Ariel Pourquoi Grenier. Pourquoi on ramène tout le temps cette fille-là? C'est pas on fin. Lui donne bien trop de tribunes pour se caler, là. Ouais. Là. En tout cas, à mon avis. Ce qu'on va faire pour les tribunes. Si vous l'aimez, c'est Ariel Grenier et tout. Oups, celui-là, c'est ta prochaine chanson, ça. Ça va être c'est un avant-goût de ce qu'il va jouer. Ouais. Ouais. Ben oui, c'est super entraînant. Donc. Oui, en fait, j'essaie de fitter dans le monde musical de Gianmaria Testa qui nous a joué Petite Reine sur les ondes de C'est fou, 89 FM. Tu vois que mes goélands en arrière, c'est un peu moins lover. Ça marche pas. T'aimes les goélands, c'est pour ça. J'aime bien ça. On dirait genre un cours de relaxation. Oui, hein, c'est très zen. C'est, ouais. C'est thérapeutique. Ouais. Vous le savez pas, là, mais on est thérapeutique dans vos oreilles. Ouais. Ah, ouais. On est tous nu-pieds, en fait. Ouais. Ah oui, on est sur le deck. Sur le deck, voilà. C'est bizarre que, tu sais, deck, dans certains sens, ça veut dire patio, ça, en français. Mais le deck de bateau. Un deck de bateau, c'est ça. Pas tellement un patio de bateau, hein? Non, pas vraiment. Donc, on est rendu au troisième choix de David Ferron. C'est toujours la chronique « La langue dans ton oreille ». Oui, c'est vrai. En fait, je vous présente « La Baisse ». Qu'est-ce que c'est « La Baisse » C'est un projet musical de Nejim Bouizoul, qui est d'origine algérienne, mais qui est installé au Québec depuis un certain temps. En fait, « La Baisse », c'est lui et les musiciens. Et c'est vraiment une richesse musicale parce qu'on entend des clarinettes, des musiques traditionnelles africaines. On écoute également des percussions et le chanteur chante en français, en espagnol, en arabe également. Mm-hmm. Bref, il y a vraiment une belle couleur musicale. Ils ont fait une tournée à Mexique qui s'est avérée vraiment, réussite et acclamée. Et en plus, pour les deux albums, parce que La Baisse a sorti deux albums, Identité et l'autre qui s'appelle Tout va bien. En fait, La Baisse veut dire Tout va bien en arabe. Ah. Donc, en fait, La Baisse a eu la chance de collaborer avec Jean Leloup, Thomas Fersen, puis également... Non, Thomas Jensen, désolé, je me mélange de Thomas. Tout le monde fait ça, c'est normal. Ouais, je le sais, mais Thomas Fersen puis Thomas Jensen, c'est pas la même affaire. Non, pas oui, tout. Non. Mais, c'est ça. On comprend. Donc, c'est ça. Et Jean Leloup. Et Marco Cagliari. Encore Marco Cagliari. Il est partout, ce Cagliari-là. Il est partout. Là. Oui, j'essaie. Beau juron, d'ailleurs. Et Cagliari. Et Cagliari. Avec la Calgary. Calgary. Mais ça aussi, tu sais. Calgary. Marco Calgary. Bon. Là, c'est soudainement africain. Ouais. Je sais pas pourquoi j'essaie d'avoir un accent anglophone, mais c'est africain. On est en train d'apprendre que l'espagnol plus le français égale africain. Fait que, au moins, on apprend les choses. C'est compliqué, la vie, des fois. Ouais. Mais tout ça pour vous amener à la chanson « Mon chum Bernard » de La Baisse. On écoute ça à... Attention, attends un peu. À La Baisse, émission de radio, ever. Oh! ouais. Wow. Vu venir un peu. Ouais. Wow. C'est drôle. Cool. On a fait la tournée des bars et des cafés. Depuis 3 heures l'après-midi, on était rassasiés. On a parlé des femmes, d'amour et du hockey. On a parlé des âmes et de l'éternité. Mon chum Bernard, la vie est pleine d'espoir. Mon chum Bernard, la vie est pleine d'espoir. Tu m'as parlé de ta femme, ton char et tes enfants. Comment que c'est la galère d'être dans la construction. Moi je t'ai parlé de la mienne et de ma profession. Que j'étais musicien sans crâne et sans raison. Mon chum Bernard, la vie est pleine d'espoir. Mon chum Bernard, la vie est pleine d'espoir. Last call, plus de bière ni de liqueur. On se prend un petit bagel sur la rue Saint-Viateur. J'ai mal à la tête et les punaises me guettent. Parle-moi de n'importe quoi, mais parle-moi pas de Ginette. Mon chum Bernard, la vie est pleine d'espoir. Mon chum Bernard, la vie est pleine d'espoir. fini mon histoire. Faut que je squatte quelque part. C'est pas la mer à boire, c'est ça la vie de clochard. Ma femme veut plus me voir, car je n'ai plus de dollars. Toute façon je m'en fous, toute façon j'en ai marre. Mon Dieu Bernard, la vie est pleine d'espoir. Mon Dieu Bernard, la vie est pleine d'espoir. Arrive, arrive. Mon Dieu Bernard, la vie est pleine d'espoir. Mon Dieu Bernard, la vie est pleine d'espoir. C'était la baisse avec la chanson Mon chum Bernard tirée de l'album Tout va bien. Oui, ça a bien fini. On était pas sûr au début, mais finalement, ouais. La fin est entraînante, j'aime ça. La fin. Ouais, la fin. Le freestyle. Ouais, hein? Ouais. C'est le côté tribal, le côté maghrébien mélangé avec l'expertise québécoise qui fait que Tout va bien est un très bon album. Oui. Un mélange musical assez éclatant. Oui. Et ça bat Kathleen à plate couture, ça. Ça va parce bien. Que ça va bien, oui. Oh, une référence encore 90s. Oui. T'es là, les références, toi. Je sais pas, c'est la journée, hein. Ouais, bientôt, tu vas faire un spécial, c'était fou, mais avant que ces fous existent. C'est ça, bonne idée. Les meilleures chansons qu'on jouait pas, parce qu'on était pas là encore, ouais, qu'on a joué. Fait que tu vas pouvoir jouer sans culpabilité les chansons de nuance. Ouais. Mon rêve, enfin, exaucé. Donc, David Ferron, c'était tes trois choix pour ta chronique La langue dans ton oreille. Et oui, la semaine prochaine, je reviens avec une entrevue avec Eddie King qui va être de passage à la salle Jean-Antonio Thompson le 11 septembre. Exactement. Et tu as bien mentionné la semaine prochaine. On va évidemment retourner au matin la semaine prochaine. Là, on parle du lundi au jeudi entre 7h et 9h, mais on commence le mardi 4 septembre. Et as-tu retenu ta case horaire? Moi, non. Oui, c'est je vais passer en fait à tous les mardis 8h30. C'est honnête quand même. Oui, il n'y a pas de problème, ça me permet, j'ai essayé d'avoir la voix qui fit avec... T'as-tu une musique sensuelle? Attends, je sais bien, tu me demandes de mettre une musique sensuelle, OK? Mets la tune de Porno Sonic. J'aurais pu. Non, à la place, ça... je vais te remettre ton ancien intro. Oui, c'était mon ancien intro de Graine de Pouvoir. Ça fait longtemps, là. En fait, vous allez pouvoir entendre la chronique « La langue dans ton oreille » sur les ondes de C'est fou 89.1 FM à tous les mardis 8h30, accompagné du sensuel et suave David Ferron qui vous attend. Mais aussi avec les très sensuels Mathieu Plante et le très sensuel également François-Olivier Marchand. Toutes les mêmes qualificatifs pour tout le monde, là. Pas de variantes, sont toutes sensuelles. Oui, « The world is... » All sensual. Bravo. Oui. Do you agree, Alexandra Carignan? Ah non, c'est, on n'a pas besoin de m'inclure là-dedans, non. C'est pas grave. C'est mieux pour toi, tu gagnes, t'es pas là-dedans. Good for you. David Ferron, la semaine prochaine, mardi à 8h30. Ouais. Voilà. Vous êtes toujours à la vie de croisière l'assemblage requis. On prend une petite pause, on vient avec plus de nos choix musicaux de l'été. Restez là. Oui, 89.20. C'est bien de pas embarquer là-dedans non plus. Non, genre, c'est ça, je me retiens. Moi aussi, je me retiens, mais dans un autre sens. On comprend la blague, c'est bon? OK, cool. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans.

Même je le trouvais beau, c'est pas que quelque chose de mystérieux. Mm-hmm. En tout cas, avec les oreilles? Ben, il n'y a pas les oreilles, là, mais il y avait un peu la petite coupe carrée. Là, okay. De... Ce qui était bien beau. Cool. En tout cas, si vous voulez voir vraiment sa face, rendez-vous au centre d'exposition Raymond Lagnon, on a un portrait. Ouais, puis apportez une photo de Spock pour comparer. Ben, c'est ça. C'est ça. Alors voilà, c'était la face cachée de la triple vie de cette semaine. Si ça vous a intéressé, je vous invite à venir me voir à la fresque de Trois-Rivières. Je fais des visites guidées tous les samedis et dimanches à 14h et 15h. C'est gratuit, vous n'avez qu'à vous stationner au bout de la tombe. Donc c'est un stationnement. Si on se comprend bien. Exactement. Merci. Et voilà, ça va me faire plaisir de vous dire tous les petits détails qu'on retrouve sur la fresque et qui retracent l'histoire de Trois-Rivières. Superbe, excellente chronique. Je pense qu'on va pouvoir chanter encore un peu. Hein? Raymond Lanier. Papa, nanana. Raymond Lanier. Ta, ta, ta, ta. On pourrait faire ça chaque semaine. Bon, oui, ce serait drôle. Ouais. Moi, je serais vendu. Ouais. C'est une chronique d'humour, là. C'est ça. Ça serait bon. C'est ça. Donc, merci beaucoup Alexandra pour vrai, excellente chronique et c'est une chance qu'on a un privilège d'avoir cette chronique-là. C'est bon. Ça fait plaisir d'en parler. Ça nous renseigne sur la ville où on habite, dans laquelle on habite. C'est bon. Exactement. C'est une phrase de la journée. Ouais. Toujours la vie de croisière, l'assemblage requis. On te laisse partir un moment. Oui, je devrais revenir dans environ une demi-heure. Parfait, on va t'attendre. Moi, pendant ça, je vais passer un petit peu de temps avec nos petits requins chummy-chummy. Par contre, tu vas nous présenter la prochaine pièce, c'est ton choix. Oui, la prochaine pièce, c'est mon choix. C'est certainement pas le tien. Non. C'est Lisa Leblanc avec Cerveau Ramolli qui était la trame sonore de mon été. J'adore Lisa. Superbe. La pièce Cerveau Ramolli à la vie de croisière d'assemblage requis. Alors, on va terminer cette heure ici, juste là, cette heure-là, elle va se terminer là. Dis-je avec mon air sérieux de gars qui allait me seul et qui toute la pression sur ses épaules, tu sais. Je veux vous impressionner, c'est de même. Tu sais, il y en a qui sont moins impressionnés, leur chargé de cours, je sais pas trop quoi, de l'autre bord. Alexandra, c'est le genre. et moi qui vous impressionne à la radio. Donc, dans quelques minutes, on va continuer avec encore plus de sélections de nos pièces préférées de l'été 2012. On aura aussi plus tard la chronique d'Alexandre Cloutier sur la culture des armes aux États-Unis. On va voir aussi C'est un fait avec encore une fois cette semaine, et je vous avertis à l'avance, mais je vais vous avertir plus près à la chronique tantôt, plus près de la chronique. Une chronique C'est un fait, Kinky Sexy Time Edition. Hein? Ça vous donne envie de rester, je le sais. Alors restez avec nous pour une deuxième heure de la vie de croisière d'Assemblage requis. C'est fou. D'Assemblage requis pour cette semaine, la semaine du 27 août 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Alexandra Carignan revient dans quelques minutes à peine. Ce qu'on va faire dans cette deuxième heure, ou en tout cas en partie, on va surtout entendre des pièces qu'on a aimées cet été. Et comme je ne veux pas jouer celle d'Alexandra sans qu'elle soit là pour les présenter, je vais présenter quelques-unes des miennes. Et on va aussi faire le poste d'écoute. Et dans le poste d'écoute cette semaine, ce sera le nouvel album de Biobazar, Danny Janvier. C'est plus tard dans l'émission. Pour l'instant, je continue avec ma liste des pièces préférées de cet été. Il y aura plus tard Fred avec If Not Now, When, mais débutons avec une pièce qui a fait son entrée la semaine du 26 mars, mais qui a duré un très long moment après ça. Voici Are You Gonna Waste My Time de Zeus au 89.1 FM. C'est fou. C'est fou. Si on veut. On veut pas. Sunrise, do it again to the glorious moon. La formation Fred et la pièce If Not Now, When, c'était une nouvelle entrée la semaine du 2 avril, mais ça a duré pas mal longtemps pendant l'été. Avant ça, on a entendu Zeus et Are You Gonna Waste My Time, qui a débuté la semaine du 26 mars, et ce sont deux de mes pièces préférées. Donc, je dirais que le début de l'été, pour moi, était pas mal fort en termes de musique. Et plus tard dans l'été, ça a commencé à devenir un petit peu plus difficile, on dirait, à trouver des bonnes nouvelles entrées. Il y en avait quand même plusieurs, là, vous allez voir, mais ouais, un petit peu moins. Et pas beaucoup de francophones de très, très bons cet été, malheureusement. Donc, avant de continuer avec mes prochains choix, entre autres Patrick Watson et Parler, on y va avec une section qu'on fait pas souvent, mais quand on la fait, c'est vraiment bon. Hein? C'est le poste d'écoute d'Assemblage Rocky. Le poste d'écoute d'Assemblage Rocky, c'est la section où on écoute un album. En fait, d'habitude, on l'écoute dans l'ordre que l'album a été fait, comme l'artiste le désirait. Mais dans ce cas-ci, l'artiste Danny Janvier, de C'est fou, vous connaissez parce qu'il anime le Dîner de cons, il m'a suggéré de jouer des versions radio. Et bonne idée, il y en a trois, donc on va commencer par la sixième pièce de l'album. Mais avant ça, parlons un petit peu de ce projet qui est Biobazar, et plus particulièrement de son nouvel album Obom Kontek, qui signifie « Camp de la pointe de sable blanc ». En langue abénakise, c'est l'ancien nom du village de Pointe-du-Lac. L'album a été composé d'avril 2011 à mars 2012 par Danny Janvier. Le projet se veut un hommage aux racines et aux ramifications des peuples. C'est un parcours initiatique à travers les cultures et tout ce qui les unit au-delà des frontières et des océans. Le résultat est une synthèse de sons de la nature, d'électronica mystérieux, de world beat native, parsemé de baroque et d'éléments d'électronica chill out. Rien de tout ça n'est cependant solennel. Voilà. Donc, il s'agit d'un univers lumineux, festif et plein d'humour. La musique est illustrée de photos de l'artiste et de dessins créés alors qu'il habitait en Colombie-Britannique en 1994 et inspiré de l'art des Amérindiens de la côte ouest du Canada. La majeure partie de l'enregistrement et du mixage a eu lieu au studio Stéréo. Ça, c'est le studio de Danny Janvier situé à Pointe-du-Lac. Les fichiers ont ensuite été remis à René Laflamme de chez Fidelio Musique qui les a entièrement révisés et masterisés pour leur insuffler une chaleur et une présence adaptée aux exigences des systèmes de haute fidélité. Donc, c'est fait pour ceux qui aiment beaucoup la musique. Et c'est tant mieux. Juste son album entre les mains, un magnifique objet avec ses rouges, noirs et blancs. C'est fabuleusement beau. À l'intérieur du livret, on retrouve, comme on le disait un petit peu précédemment, quelques photos de Danny Janvier. Aussi, quelques textes intéressants. Et les traductions en anglais sont aussi là-dessus. Donc, le nouvel album de Biobazar qui s'appelle Obom Kontek. Et puis, vous pouvez aller voir dannyjanvier.com pour plus d'informations et où vous procurer cet album-là. On va écouter, comme je disais, les trois extraits qui sont version radio. Les trois dernières de l'album. Plus tard, il y aura Skyfish et Dans le champ de Higgs. Puis on débute avec And Friends Radio Edit tout de suite dans le poste d'écoute d'Assemblage Rocky. Puis bonne écoute. Poste d'écoute, bonne écoute. Comme on dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ou on dit Mathieu Plante, ferme ta gueule. des bonnes de moi. Tu montres pas grand chose, c'est 5000 de l'heure. Tu montres tout, alors là c'est ça. Quoi, tu montres tout? On me demande, hein. Thank you. composé ce poème à la clinique juste après ma quatrième dépression nerveuse. 1, 2, 3, 4, qui a tué Charles Barthes? Toi, espèce de salaud. La femme est la plus aimable et la plus brillante grâce à Dieu. Bonjour. Poste d'écoute. On vient d'entendre les trois pièces qui terminent le nouvel album de Bio Bazar, Obum Contec. Ça, c'était Skyfish, précédé de Dans le champ de Higgs. Hein? Higgs boson. Boson de Higgs. Hein? Boson de Higgs. Boson de Higgs. Higgs, c'est un beau gazon, pourrait-on dire. Ça? Et on a débuté avec N Friends, les trois versions radio des pièces qui figurent sur l'album Obum Contec de Bio Bazar. Et je regardais sur son merveilleux site dannyjanvier.com, que je vous invite à aller visiter d'ailleurs. Et Bio Bazar se prépare pour des lancements de son nouvel album Obum Contec un peu partout au Québec. Le 18 septembre à Montréal, ce sera un 5 à 7 à la Quincaillerie, suivi d'une prestation au Passeport vers 22h. Le 25 septembre, il sera à l'Embuscade, ici même à Trois-Rivières, en format 5 à 7 toujours. Et pour la suite, les dates se confirment et les événements sont prévus à Québec, Rimouski, Matane, Sherbrooke, Chicoutimi et Hall, Gatineau. Donc, je vous rappelle d'aller voir dannyjanvier.com et procurez-vous son album chez Archambault, Renaud Bré et sur Internet. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Danny Janvier, vous le connaissez, vous l'aimez. Tout le monde aime Danny Janvier, je pense. On s'entend là-dessus? Tout le monde l'aime. Le consensus est Danny Janvier rocks. Ouais. Voilà. Oui. Écoutez le Dîner de con du lundi au jeudi entre 11h et 13h. C'est l'émission qu'il anime et ça recommence le mardi 4 septembre. Donc oui, lundi au jeudi, 11h à 13h, sauf lundi qui s'en vient. Pour compliquer la vie de la personne qui a à dire quand est-ce que ça arrive. Exactement. Bon. Voilà pour le poste d'écoute de Bio Bazar. C'était magnifique. On va continuer. Vous avez remarqué par la voix féminine qu'on a entendu que... Eh oui! T'es de retour, Alex. Je suis de retour. T'étais passé vers un autre endroit pas mal plus luxueux qu'un autre. Et te revoilà sur notre beau bateau. Non, mais notre bateau, il y a de la classe quand même. Ben oui, j'étais sur un petit canot de sauvetage à côté puis je suis revenu. Ouais. C'est les femmes et les enfants d'abord. Hein? Exactement, mais finalement, c'était une fausse alerte. Ah, OK. Bon. Je suis revenue. Parfait. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner en musique un petit peu, entendre des pièces. Vous le savez, pendant cette émission, ce qu'on fait, c'est qu'on vous présente nos pièces préférées de l'été. Et comme j'en ai passé quelques-unes tantôt, je crois, Alexandra, qu'on devrait continuer avec tes choix. Et on va y aller avec un petit peu de... je vais y aller avec du Marie-Pierre Arthur, si ça te dérange pas trop. Avec plaisir, emmène-moi. Pierre Arthur, qui avec son nouvel album... nous donne un peu de l'énergie en barre. Moi, j'adore son nouvel album. Ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Parfait. Emmène-moi de Marie-Pierre Arthur tout de suite à la vie de croisière d'assemblage requis. We'll be right back. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Entendre Salomé Leclerc avec Partir ensemble. Et si vous aimez Salomé Leclerc, je vous invite à aller la voir en spectacle puisqu'elle sera en Trifluvie le 25 octobre prochain au Centre culturel Pauline Julien. Ce sont des billets qui ne sont vraiment pas chers, dans les quinzaines de dollars. Une salle où est-ce qu'il y a une exposition en même temps. Ça vaut la peine. Et de toute manière, c'est Salomé Leclerc. Ça va être bon, qu'importe où. C'est garanti. Tu parlais de Trifluvie et tu as mentionné un nom, Pauline Julien. Est-ce que c'est quelqu'un que tu vas couvrir un jour dans ta Trifluvie? Malheureusement. Mais Pauline Julien, en fait, c'est une compositeur, auteur, interprète, chanteuse du 20e siècle qui est du Cap de la Madeleine. Mais elle n'est pas sur la fresque de la Trois-Rivières. Elle n'est pas sur la fresque de Trois-Rivières. Il y en a qui mettent ça au singulier, Trois-Rivières, ils oublient le S. Arrivé. De 3, ben oui, parce que tout le monde sait bien que 3 est égal à 1. Ben oui. C'est ça. Ben, tu sais. C'est. 3 puis un crochet, ça fait un cœur. Pas un crochet, un inférieur à. C'est ça, ça fait un cœur. C'est ça. Fait que... Par définition, il n'y a pas de S à 3 égal. C'est ça. ça serait beau à refaire la réforme des lois de français. Hein? Moi, je vais tout vous changer ça, puis ça va être tellement plus simple, je voulais dire. Plus simple. Ça va être. Ouais. Parlant de choses moyennement drôles, comme ce qu'on vient de faire là, on s'entend que c'est pas si drôle que ça. Non, okay. Mais c'était intéressant. C'était divertissant, je pense. J'essaie de me dire. C'est spécial. C'est différent. Bon. C'est différent. Voici les meilleurs moments de la semaine passée. C'est un instant classique. Voici les meilleurs moments de la semaine passée, c'est du 20 août 2012. Une surprise sur tout point. C'est surprise par-dessus surprise ou surprise. Oh là là, le jeu de mots, ça commence déjà. On a un concept, là, je pense qu'on pourrait faire quelque chose avec ça, surprise. Ah, ça serait tellement bon si on vraiment en faire une émission comme à la télévision. Hey, avec une moustache, toi, d'en face. Ça serait tellement... En tout cas, moi, je dis que ça a de l'avenir. Ouais. En fin de semaine, j'ai dit... ça doit être ma ménopause, tu sais. J'ai dit ça, mais c'est en blague, là. C'est clairement en blague. Et là, tu sais, ma soeur me dit genre... Ah, mais tu sais, je veux pas te dire quoi dire, mais tu sais, c'est juste pour les filles, la ménopause. Et là, je fais comme... Je sais, c'est la joke, c'est ça, la blague. Mais là, personne me croyait que c'était la blague, que c'est une blague. Parce qu'il pensait que tu te rattrapais. C'est ça. Alors que je pensais vraiment que la ménopause, c'est pour tout le monde. Et j'ai dit, bon, ben, à la place, je vais remplacer ça par... Ah, ben, c'est mes règles. Ah. Là, ça, c'est clair. Là, c'est ça, c'est clair. Parce qu'on sait, on parle. On sait. À parler comme ça puis à faire des signes de main, on se croirait à Choix Montréal. Le mot Choix Montréal, le monde se crie là en face. Ça paraît pas en ondes, là, mais on se fait aller les mains. Je pense que tiens position. Francophone. Oh, le mot position. Hein. Il était difficile aujourd'hui. Ça fait trop penser à trop d'affaires. Hein. Position. Comme la position des personnes dans Star Academy. Oui, c'est ça. T'as à quelle position ils sont? C'est à peu près ça. Oui, le Stakamasutra Demi. Attends, comment t'appelles ça? Ada aime les mathématiques. En fait, à peine quand elle était jeune, elle se distrait avec les algorithmes. Donc, elle fait ça le party d'algorithmes. Le party d'algorithmes. Elle aime faire ça. Il y en a qui font des toga party, hein, c'est des algo party. Des algo party. Comme une plante qui s'appelle Mathieu. Ouh! C'est original. Moi, si j'avais une plante, je pourrais appeler Mathieu. C'est un peu ordinaire. C'est Mathieu plante la plante. Ça montrerait tout comment t'es humble. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, animateur de radio, d'habitude, veut dire égo de la mort. Alors, bon. Ouais. Et mais pas fin, hein. Pas fin. Mais pas nous autres. Pas ici. C'est toi. Pas assez fou. Ouais. On n'a pas ça, nous pas autres. Pas assez fou. Sur les autres radios, peut-être. C'est ça. Parce qu'on n'a pas d'eau face et pancarte. Mais pas. Non, non, non. Nous autres, on a un... On n'a pas de pancarte pour commencer. Voilà, pour la chronique, c'est un fait kinky sexy time. C'est drôle. Ouais, c'est super. On retourne au palmarès. Et du côté francophone, ce sera Hôtel Morphée avec Garde à vous. Ça a presque un lien avec le sexe, hein? Garde à... Parce que ça... Rise. Garde à vous. Garde à vous. Puis Hôtel Morphée, ben, c'est une place où tu peux te louer une chambre. Ben oui, hein. Puis Anything You Want Dear, ben c'est... Demande-moi ce que tu veux. C'est vraiment une émission. C'est mon coup de cœur de l'été. Sur une échelle de 1 à Glee, mettons. Mettons. Je trouve que c'est meilleur que Glee, en fait. Ah! Un petit groupe là, qui s'appelle Vanesse Parietaire et qui s'adonne à chanter la chanson thème d'Assemblage Requis que tout le monde aime tant. Oh. Tu connais la chanson thème d'Assemblage Requis? Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Mais en meilleur que ça, mettons. Ouais. Un jeune garçon avec des lunettes de hipster. Oh. Genre, c'est-tu douchebag ou hipster, ce gars? C'est pas mal les deux. C'est un hybride. Ils veulent se mettre personne à dos. On dit tout de suite au revoir, Alexandra. Hey, bonne journée, les matelots. Ah, oui, c'est toi, le matelot. Ils sont pas tous des matelots. Les dauphins. Chacun son poste. T'es une haut gradée de la place, toi. Un matelot, c'est pas haut gradé. Non? Ben, c'est plus haut gradé que les requins. Oui. Nos auditeurs, les requins. T'as un point. Bon, sur ce, je gagne, va-t'en. Kinky Sexy Loving Time. J'adore. Ouh, FM. Oh, c'est fou, FM. Wow. C'est fou, FM. La radio collégiale. Pas bon pour faire des trucs sensuels, moi. Moi, ben, j'avoue que le mot collégial ou universitaire est rarement très, très séduisant. Ben, ça dépend. Ça dépend. Ça peut être super lover, là, une université, une la bâtisse en tant que telle. Là. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe au 10-12, reste au 10-12? Oh! Particulièrement pas drôle aujourd'hui, je le sais et je le remarque moi-même. Plus drôle que toi, là. Faut le faire. Le deuxième est supposé avoir juste une fois qu'il chante, c'est assez, ça. Mais bon. C'est pas grave. On aime ça. Oui, c'est tellement bon. Ah, puis celui-là, il n'y a pas de fond. Hein. Ah, c'est pour ça que j'avais fait ça. C'est donc beau. Qu'est-ce que je disais? Tu disais à quel point... C'était-tu Audionautes? Ah non, c'est André. On me confirme, c'est André. André, je l'ai reconnu en l'écoutant. OK, c'est André. Ouais. OK. Le groupe André. OK. Il y a un groupe de musique qui s'appelle André. Il y avait un groupe de musique qui s'appelle André. Oh, il n'existe plus. Non, ils ont fait ce thème-là pas juste pour nous autres. Mettons. Paix à son âme. C'est ça, oui. Donc, en effet, t'étais beaucoup plus drôle que moi, un peu comme à chaque semaine, je pense que... Ben non, Manamana. On va remettre les pendules à l'heure. OK. Je ne suis pas aussi drôle que toi. J'ai seulement des moments d'illumination. Oui. Ouais. Je veux dire, tout est drôle étendu. Mm-hmm. Comme je suis drôle étendu. Sur toute l'émission. OK. Moi, je suis drôle comme juste par... À quatre pattes. Non? Non. Non, je te suis. Attends, encore des références de... Star à Kamasutra des... T'as l'esprit tellement tordu, ouais, Mathieu. Un peu. Là. C'est ça. C'est même pas moi. Moi, je suis jeune et chaste, là. Oui, oui, 5 touches Alexandra Carignan. C'est toi qui me corromps? Oui. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'était les meilleurs moments de la semaine passée, celle du 20 août. Et là, évidemment, cette semaine, c'est la dernière édition de l'été 2012, de la vie de croisière d'Assemblage Requis. Donc, les meilleurs moments, où vont-ils se retrouver? Ils se retrouveront à Assemblage Requis la semaine prochaine, un certain matin. Oh! Je vais pas encore décider lequel, là. Non, non, c'est correct. C'est une surprise. Fait que là, faut que tu écoutes tout le temps pour être sûr de pogner l'instant classique. Ben, c'est ça. Ben, c'est du lundi au jeudi, entre 7h et 9h, sauf lundi, où c'est la fête du travail. Ben oui. Ouais. Et si vous allez vous ennuyer d'entendre des choses drôles entre Alexandra et moi, il n'y aura plus de montage en instant classique pour les palmarès C'est fou, parce qu'on n'a jamais fait ça. Mais on va animer les palmarès C'est fou cet automne, dans une merveilleuse case horaire à un jour et à une heure à déterminer. Ah oui? Mais potentiellement... Ce sera que je le dirai pas. Je le dirai pas encore. C'est une surprise. Pas confirmé. Ben, c'est pas confirmé. Suivez sur Facebook et sur cifou.ca. J'aurais bien aimé ça avoir la date et l'heure aujourd'hui. T'sais. Ça a été pratique. Je te le souhaite un jour. Ouais. Bref. Non, on va l'avoir éventuellement. Ben oui. Sinon, on fera tous les jours. C'est ça. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Donc, toujours à la vie de croisière l'assemblage requis. Alexandra, est-ce que tu veux qu'on continue notre petite liste des pièces qu'on a aimées le plus cet été? On peut bien faire ça. On est bon là-dedans, dire des chansons. Ouais. Moi, j'irai avec un petit peu de Patrick Watson. Tu vas faire ça, toi? Ouais, avec la pièce Into Giants. J'en mets-tu une, moi aussi? Ouais. Ah, ben moi, je vais mettre dans ce cas-là Caravan Palace avec Dirty Side of the Street. Je vais même te laisser commencer, je pense à ça. Ah ouais, hey, j'aime tellement Caravan Palace, là, en plus. Là. Je regardais les palmarès, puis je fais « Ah, oh, que j'aime ça! » Ben, c'est ce qu'on a fait. On a regardé toutes les pièces qui ont, qui ont été jouées cet été. Et j'avoue qu'on a chacun nos coups de cœur là-dedans. C'est comme un best-of de toutes les chansons qu'on a aimées durant l'été. Malheureusement, Caravan Palace n'est plus là. Fait que ça fait longtemps qu'on l'a pas attendu à Palmarès. Oui. Je me suis dit que ce serait important de justement le ramener sur les ondes parce que c'est trop bon. Est-ce qu'on fait ça là, là? On fait ça là, là. Ah, c'est fou, 89 FM, restez là. Alexandre Cloutier s'en vient tantôt. We'll be right back. running fast. While we were walking so slow, well, I watched us grow and grow. Carried our love in cups to go. Patrick Watson et Into Giants, ça a fait son entrée la semaine du 14 au 27 mai. En fait, la période, tout l'été, je me suis trompé dans ces affaires-là, la période du 14 au 27 mai. Oui, exactement. Et juste avant, on a entendu Caravan Palace avec Dirty Side of the Street. Oui, et ça fait son entrée à la fin avril, le 23 avril. Exactement. Ouais. On prend une petite pause, on vient avec une troisième heure de vie de croisière à l'assemblage requis. Alexandre Cloutier s'en vient. Bonjour, qui est déjà avec nous en studio, prêt à nous dire un petit bonjour, bonjour. Bonjour, ça va bien, l'équipage de la, ça sent la fin, l'assemblage requis. Ça pue la fin, je te dirais. C'est vraiment comme, ouais, la fin s'en vient, tu sais, c'est plat. C'est plate, mais c'est pour d'autres choses. C'est pour d'autres choses, en effet. On va faire plein d'autres choses cet automne. Un autre concept, mais moi, je vais vous parler de la culture des arbres aux États-Unis. OK. De où que ça part. Et après ça, on s'en va un peu chercher le meilleur système de santé au monde. Ah, dans la même chronique. Oui, les deux ensemble, vous allez voir la transition. Elle est parfaite. La chronique d'Alexandre Cloutier dans quelques instants. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. C'est la troisième heure de la vie de croisière d'Assemblage requis pour la semaine du 20 août 2012, toujours avec Alexandra Carignan et Mathieu Plante. Oui, et Alexandre Cloutier qui nous rejoint en studio. Salut. C'est encore mon erreur à chaque fois. À chaque fois, c'est pas grave. C'est on juste avec lui. David Ferron aussi. C'est avec les chroniqueurs. C'est ça, ça va pas bien mon affaire. Bon. Donc, Alexandre Cloutier, qui est là avec nous encore une fois pour sa chronique sur des sujets variés. En fait, c'est la dernière fois que tu vas faire ça, parce que cet automne, tu vas changer de concept un peu. Oui. Dès la prochaine émission. Ouais. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? En fait, je pense qu'on devrait t'accueillir avec ton intro, ce sera encore mieux. C'est ça, j'attendais que mon petit thème finisse. Ouais. Voici la chronique d'Alexandre Cloutier. Je dirais que je m'ennuierai pas des vagues, ils sont durs à manier. Donc, Alexandre Cloutier, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Oui, merci d'être avec nous. Oui, ça fait toujours plaisir. Oui, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Moi, je vous parle de la culture des armes aux États-Unis pour commencer. Parce que vous voyez, l'actualité, c'est vraiment récurrent. Là, aux États-Unis, il y a quasiment chaque semaine, il y a une fusillade. Oui, de ces temps-ci, c'est intense. Et on parle juste de ça et on met la face. Et là, la plupart des personnes là, sont portées à se questionner. Est-ce vraiment nécessaire? Et mon ami Michael Moore a fait un article il y a deux semaines pour dénoncer les armes aux États-Unis et dire, voyons donc, arrêtons cette folie-là, ça n'a plus de bon sens. Le port d'armes qui est un petit peu lousse, disons. Oui, mais tout ça, c'est drôle parce que ça a commencé, je vais vous raconter un peu l'histoire de ça, ça a commencé avec l'ingéniosité d'un homme, Samuel Colt. Et lui, le Colt, la marque de fusil, finalement, oui, plus tard. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est lui qui l'a inventé. Il a inventé le revolver à six coups dans les années 1830. Dans le fond, tu sais, Mathieu, avant, les fusils, on en a tout le temps eu. Depuis 10 000 ans, les fusils, il y avait juste une balle. Et après, il fallait que tu recharges, tu mettes de la poudre, une autre balle. Mais lui, il invente le fusil à 6 coups. Et c'est une arme facile à cacher. Il est assez petite et vraiment très facile d'utilisation. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est Mekka qui l'a inventé. Il n'y a pas personne pour l'acheter, cette arme-là. Parce que l'armée va le rejeter. L'armée ne voudra rien savoir de ça. Et la société américaine qui va être en paix en 1850, elle ne la jettera pas. Elle va avoir aucune utilité à ça. Okay. Ce dont Colt avait besoin au début, c'était un marché. Tu vas comprendre. C'est ici que son génie en marketing va se manifester. En effet, Colt a l'idée de faire de ses revolvers des objets pouvant être individualisés afin d'en faire des œuvres d'art plutôt que de simples armes. Mettre du bling-bling dessus. Oui, c'est ça. Ils ont décoré. Tu vois, les premiers, ils sont un peu en or, il y a des chevaux en or, même des caribous, je pense. Okay. Plein de petits dessins. Et ils sont vraiment très, très ornés. Ça fait un objet vraiment de convoitise de l'ensemble de la population. Mm. Et Colt a aussi l'idée de génie d'associer ses armes aux pionniers qui partent peupler la frontière de l'Ouest. Graduellement, la culture des armes va se développer avec ça. Ça va être un symbole de liberté, d'avancement, d'affrontement de l'ennemi. Bref, un moyen par lequel le rêve américain se réalise. Mais c'est surtout avec l'association entre avoir une arme pour un Américain et l'individualité qui va avec. C'est moi, j'ai une arme, touche-moi pas. Ça, c'est mes affaires. Si tu viens, j'ai une arme, je vais me défendre. Mm. Ça reste vraiment encore dans la tête des Américains. Et c'est assez dur, là. Il y a beaucoup de personnes qui militent, des associations, vraiment, de, surtout dans les pays, dans le milieu. C'est Texas, puis ça lutte. Ouais. Middle America. Et on l'a vu avec... Tu as entendu parler de l'Américain qui avait été ici. Il avait fait comme un fou de lui au Canada parce qu'il n'était pas en sécurité. Il voulait retourner chez eux. Il n'y avait pas d'armes au Canada. Okay. Il ne sentait vraiment pas en sécurité. Okay. Puis là, il se met à voir le journaliste. Puis il dit, oh, là, je ne me pas. Je reviendrai plus. C'est trop dangereux. Oui, oui, c'est ça. Et c'est ça. La plupart des Américains, aujourd'hui, c'est un peu la mentalité qu'ils ont. Et avec... je peux te donner... dans l'article de mort, on parle environ de 8000... décès par arme des tueries. Par année? Oui, par année, wow. Aux États-Unis. Mm. Et ça va jusqu'à 10 000 par année. C'est au Canada, comme comparaison, on a 200. Oui, le gros ghetto canadien, 200. Mais ça, je te dis, c'est directement lié au nombre d'armes qu'il y a. Plus ouais. que des armes, plus que de morts. Ben, c'est sûr. C'est sûr, mais regarde, comment qu'il y a d'armes aux États-Unis, c'est on recense... 280 millions en circulation juste aux États-Unis. Wow. 280 millions, puis eux autres, sont 314 millions. Presque tout le monde, finalement, fait... en une bonne oui. grosse majorité. Là. C'est vraiment indécent. Ouais. C'est 97 sur 100 armes. C'est des... non, on recense 77 armes pour 100 personnes. OK. Wow. Donc, puis au Canada... Il y en a qui en ont peut-être plusieurs. Mais... Au Canada, on est vraiment... On n'a quasiment pas. Au Canada, c'est 7,3 millions d'armes. Ça fait l'équivalent à peu près de 21 armes pour 100 personnes. Wow. Tu vois, c'est effrayant. Puis nous autres, on n'a pas cette culture-là. C'est sur Hollywood, les États-Unis, les films d'action, c'est tout... c'est tout un peu ça. Tu l'as vu la semaine passée, il y a une fusillade devant l'Empire State Building. Oui. Un ex-employé d'une boîte de styliste qui avait décidé de se venger. Tu l'as deux personnes, je crois? Oui, deux personnes, ouais. 9 blessés. Et ironiquement, ouais. ces 9 blessés-là, ils ont été touchés par la police. Ils n'ont pas par le... Ils n'ont pas par le... Oui, c'est ça, les polices pour défendre les citoyens. Ils ont blessé en même temps. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas tué, ça aurait été encore pire. C'est ça, je pense. C'est ça que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? On joue avec des fusils et les risques d'accident sont élevés. Ouais. Et comme un accident qui peut arriver très banal, dans le fond, le 23 juillet dernier, un homme vient pour sortir, un Américain vient pour sortir son portefeuille de sa poche pour payer chez Walmart. Oh non. En même temps, il y avait un fusil dans sa poche. Mais il sort son gun à la place, puis il l'échappe à terre. Hein? Fait que, paf, paf. Ben oui, le fusil, il s'est mis à tirer 4 balles. Et c'est sur 4 blessés. Wow. Dont une fillette et un garçon de 5 ans. Même, je te dirais que j'ai lu que certains États, même aux États-Unis, ils acceptent la vente d'armes aux mineurs. C'est vraiment ça, je trouve okay. vraiment. Ah, ouais. Effrayant. Et là, tu vois, il y a beaucoup de pays présentement, comme le Brésil, qui est quand même un pays pauvre. Là, qui fait des. Qui sont dans des campagnes vraiment de désarmement massif. C'est la seule façon de lutter contre ça, d'enlever les armes. Mais les Américains, il y a vraiment pas beaucoup de chances que ça passe. C'est l'amendement numéro X là, qui dit le droit de porter des armes. Là. Je me rappelle jamais c'est lequel. Ouais. Et finalement, c'est tellement. C'est facile. Là. Aux États-Unis, t'as pas de dossier, t'es quelqu'un, t'es pas Guy Turcotte. T'es correct. Guy Turcotte aurait peut-être pu avoir une arme, non? Parce qu'il n'y avait rien fait dans le temps, avant, qu'il était clean. Ouais. Ouais. Et comme il disait mort dans son article aussi, il disait que les Américains, ils tuaient l'équivalent de 32 pays. Non, de 29 pays. La moyenne de 29 pays par année. Ah, okay. Le nombre de morts par exemple. Et tu sais que ça coûte vraiment cher. Et on dit que les blessés ou les personnes tuées par des armes coûtent à la société américaine 100 milliards de dollars en frais de santé. Par année. Vraiment... Avoir une arme sur soi en tout temps et se défendre, ça n'a pas de prix. C'est ça. Effectivement. Et ça coûte vraiment cher. Et tu le sais, ici aussi, au Québec, là, on n'est pas épargné. Ça coûte aussi cher en argent et énergie. Tu vois juste à voir comment nos politiciens se débattent avec leurs promesses et qu'ils misent sur la santé comme à chaque année. Et attends, je pense que c'était un être. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'amène à la santé, Mathieu, parce que nous autres, tu sais, ça va mal, le système de santé, on ne se le cachera pas au Québec, tu sais. Et on manque de lits, personnel soignant. Le temps d'attente, c'est plus drôle. C'est quand c'est rendu qu'il te reste juste 6 mois à vivre. C'est pas là. C'est pas grave, je vais te le dire, c'est mon portail. OK, c'est ça. C'est ton portail que tu veux là? Oui, non, mon portail, je le prends pas tout de suite. OK, parfait. Juste que je t'explique un peu. C'est bon. Il te reste 6 mois à vivre, puis ton rendez-vous juste dans 2 ans. C'est ça, la réalité du Québec, c'est les temps d'attente, c'est assez effrayant. Et nous, on va essayer de trouver le meilleur pour ça. Un vraiment meilleur qui est équitable pour tout le monde. Puis que les délais d'attente sont quand même assez raisonnables. Donc, je sors mon portable, Mathieu. Okay. Mon portail okay. est parfait. On te part ça. Ça va en France. OK, là, je suis prêt. Le portail manque de gaz, Mathieu. Oups. Aide-moi à pousser. J'essaye. Oh. Parfait. Good. Allez, on est rendu. Ça va bien. On est rendu dans un hôpital français. Dans un hôpital? Ouais, français, ben à Paris. Tu vois, ouais, on a vraiment du fun. Tu vois, c'est vraiment beau. Les murs, oui. Tu vois les murs. Il n'y a pas de lit devant des éclairages. C'est vraiment assez cool. Puis regarde, fais attention, Mathieu, que tu marches. Le plancher est à cette rampe. Il vient de rentrer d'Épardieu un matin. Le plancher trempe, fais attention, on va continuer notre visite. Mais tu sais, on est dans un hôpital privé en France parce qu'il y a le même nombre d'hôpital privé que public. Mm-hmm. Ils misent assez là-dessus dans leur système de santé. Et les deux sont soumis au même tarif du gouvernement. Fait que ça va coûter le même prix pour une opération. Et ils ont toutes une carte. Ils ont une carte d'assurance maladie comme nous, sauf qu'elle, elle va couvrir un peu plus, mais elle va payer moins de la poche parce qu'on sait que pour limiter les gens qui abusent du système, il faut qu'ils défraient une partie. Mais contrairement à nous, 80% des employeurs offrent de payer. 80% des employeurs français ont une assurance maladie qu'ils offrent à leurs employés. Et c'est ça, c'est là qui va défrayer la partie qui n'est pas couverte par l'assurance maladie française. Mmh. Et eux autres, avec ceux qui sont un peu dévalorisés, qui sont à faible revenu, eux autres, la sécurité financière, la sécurité publique en France, va s'occuper à 100% d'eux autres. Chose étonnante, les hôpitaux privés sont mieux gérés et coûtent moins cher qu'un hôpital public. Les hôpitaux publics en France coulent sur la bureaucratie. Apple a vraiment le même problème que nous. Mais en France, les privés, qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment géré par une entreprise qui veut être productif et avoir les temps d'attente soient le plus raisonnable possible pour faire le plus d'argent. Mm-hmm. Mais tout en donnant vraiment des soins de qualité. Et c'est comme ça qu'ils sauvent beaucoup d'argent, ça coûte moins cher avec les hôpitaux privés et les gens sont souvent mieux servis. Et ils adorent ça parce que leur carte, elle marche sur les deux. Et aux hôpitaux privés, au public, aucune différence. Les deux, ça marche. Après ça, regarde, on va aller... sauf que ça, en France, ça coûte assez cher. C'est sûr qu'ils sont taxés. Ils sont taxés pour ça. 50% d'un salaire, ça va pour ça. On va aller en Suisse aussi. Le système de santé suisse, qui est un système à 100% avec des assureurs privés. Fait que c'est obligatoire. Il faut que tu prennes une assurance privée, obligatoire, et cette assurance-là, il va dégager... il va tout payer les frais de santé. Mais ça va te coûter quelque chose par mois. Ça va te coûter à peu près 150 euros à 300 euros par mois pour en bénéficier. Mais la différence, entre la différence, là, ça va varier trois choses. Ton comté où tu restes en Suisse, ton âge et le montant de ta franchise. Parce que en Suisse, tu peux jouer avec ta santé un peu comme au casino. Parce que si tu veux payer cher par mois, tu donnes une franchise. Tu pars une franchise entre 200 et 2000 euros. Et plus que ta franchise est haute... C'est différence entre les deux. Oui. Mais c'est plus que ta franchise est haute, moins que tu vas payer par mois. Mais attention, mettons que tu prennes... Moi, je ne suis pas jamais malade. Je vais prendre une franchise de 2000$. Mm-hmm. Et la franchise, l'assurance ne paiera pas juste autant que tu vas dépasser la franchise. Il va falloir que tu payes les 2000 premiers euros d'hospitalisation avant qu'eux autres commencent à débourser. Okay. Fait qu'il faut vraiment deal avec, là, comme dirait ce groupe d'humoristes. Puis en plus, cerise sur le Sunday, c'est que ces assurances-là, dans tous les frais qu'ils vont te couvrir, il faut que tu les rembourses à 10% de tous les frais. Fait que okay. Ça donne. En Suisse, là, c'est pour ça que le fromage a des trous. Eux autres, ils payent tout le temps. La santé, c'est vraiment. C'est toujours ça. Et en plus, en Suisse, tu peux avoir une assurance assez VIP qui est complémentaire. En plus, ça donne vraiment des. Tu peux, avec cette assurance-là, avoir une chambre en privé, juste pour toi. Mais c'est pas tout. Tu as le choix, tu peux choisir le médecin que tu veux. C'est moi, il me donnerait un médecin IMO. Il de m'en donner un. Tu peux te faire opérer en clinique à la date qui te convient et même pas besoin d'attendre qu'il y ait de la place à l'hôpital. C'est vraiment cette assurance complémentaire-là ou appelée aussi assurance Claude Dubois. Non. Ça te coûte le double d'une assurance ordinaire qui peut facilement te coûter 2000$ par mois. Et pardon, 2000$ par année en tout. Une chance. Ça, si t'es pas malade. Si t'es malade, ça coûte encore le 10%. Fait qu'on s'en sort pas. C'est vraiment, c'est sûr, c'est leader. C'est un système leader dans le monde, la Suisse. Mais il faut que les personnes payent. Oui. Ça, c'est bon et c'est mauvais côté, comme dans tout système. Oui. Je te parlerai d'un autre, mais je pense que... parfait. On va aller à la conclusion. Moi, je pense que le système de santé, il faudrait si on veut continuer dans le privé, il faudrait mieux gérer ça. Non, c'est pas ça. Excuse-moi. Je vais tout mêler dans tes fonds, c'est pas grave. Je m'excuse, la prochaine fois, je vais te le dire. Mais juste, je vais te le dire pour ce fond-là. Okay. Je vais te le dire, je vais te faire signe. OK, cool. Dans le fond, moi, je dis que c'est ça, la politique devrait être le plus possible décentralisée de ça, du système de santé. Les promesses, il devrait faire moins de promesses. On a vu des milliers, surtout avec Legault qui promet un médecin de famille par Québécois. Ça, c'est vraiment irrésique. Là, il va les prendre où, ces médecins? Ils vont arriver par conteneur. J'ai vraiment aucune idée. Et là, il vient d'annoncer que là, un peu l'embargo des médecins. Un médecin n'aura plus le droit. Mais lui, il va empêcher les médecins de sortir du Québec pour aller pratiquer, exemple en Suisse. Mmh. Comme c'est vraiment un plus beau système. Mais ça, c'est contre les chartes des droits et libertés. Et là, il est en train de se faire bousculer avec ça. Ces jours-ci, avec ça, son médecin, qui est vraiment contre, il dit que c'est énormité, c'est vraiment... Ça n'a pas d'allure. Et moi, je lui dis, Legault, toi, tu l'as. Hey, Matt! Toi, tu l'as! Toi, là! Tu connais ça! Toi, tu l'as. Hey, je vous demande quelque chose qu'on connaît. Alexandre Cloutier, merci. Oui, ça fait plaisir. Ça, c'était une chanson de Pépé, c'est la guitare. Oui, c'est bon, toi. Pépé. Ben oui, toi, tu l'as. On l'a vu souvent à Trois-Rivières. Il est rendu, je pense qu'il est encore plus connu aujourd'hui. On l'a eu beaucoup souvent au cégep. Je l'ai rencontré, à m'amener. Il est bon en show. Ouais. C'est fun. Ouais. Et ça complète ma chronique. Ouais, mais on va te retrouver cet automne, le matin à Assemblage Requis. Est-ce que tu te rappelles, toi, de ton jour et ton heure? Oui, moi, je me rappelle que c'est lundi. Ouais, à 7h15. 7h15, oui. Parfait. Et sauf cette semaine, le 3 septembre, parce que tu vas commencer la semaine suivante. On a la fête du travail lundi. Voilà. Oui, c'est ça. Puis je vais être là une fois par deux semaines. C'est ça. Exactement. Pour bien me pratiquer, vraiment, enlever le stress, parce que là, tu vois, là, je suis rouge, je suis stressé. Je pense être aussi stressé que toi avec les nombreuses choses que j'avais à faire et que j'ai pas mis à bonne place parce que je ne savais pas trop comment. Mais bon. Donc, merci beaucoup, Alexandre. À cet automne. Merci. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis, Alexandra Carignan. Eh oui, c'est moi. Oui, on va continuer un petit peu avec nos choix musicaux de cet été. C'est un bon choix, ça. Très bon choix. On commence avec quoi, toi? En fait, moi, on va y aller avec Simon Kingsbury. Ah, OK. Ben oui. Ou Canaille. Non, je pensais qu'on était rendu à Canaille, en effet, mais c'est pas grave. Non, on peut y aller avec Canaille. On peut y aller avec Canaille. Oui, je suis prête. D'accord. Canaille? Oui. En fait, on va mettre la chanson Bien-être, qui est un mini coup de cœur aussi. Parfait. On va faire 3-4 tours sur ma chaise. Je vais remettre ça dans l'ordre. On va se retrouver après. C'est bon. Bye. tout foutre en la bourdée. La neige vit dans une chanson sans lumière, comprise au piège dans une souricière. Les émissaires, c'est tout un manège. Son âge, on s'invente plus d'histoire. Des contes heureux. Quand la réalité peut toujours être, elle a rien à perdre et tout à gagner. Joue sa chance dans tout. Quand la réalité peut toujours être, il a tout à perdre et rien à gagner. Qu'est-ce que t'as fait là? Oui, le cabaret, t'apportes des chansons. Qu'est-ce que t'as fait là? Oui, le cabaret, t'apportes des chansons. Qu'est-ce que t'as fait là? Oui, le cabaret, t'apportes des chansons. Qu'est-ce que t'as fait là? Oui, le cabaret, t'apportes des chansons. Jeu de hasard. Coup de dé, aléatoire, rien n'est fixé. Ils hésitent, ils s'en foutent. Quand l'aléatoire peut toujours faire, elle a rien à perdre et tout à gagner. Joue sa chance dans tout. Quand l'aléatoire peut toujours faire, il a plus à perdre et rien à gagner. Joue sa chance, ils s'en foutent. Sur toutes les toiles, laisse ma marque me démarquer vol. Je mets les voiles, me développe, me dévoile et me voilà frivole. On me traite de folle, mais je refuse leur camisole de force. La clé de sol, mon refuge, camisole de force. Vas-tu réaliser? Qu'est-ce qui te rend paralysé? En plein jour, fais encore nuit, t'es endormi par l'Alysée. Lève la tête pour tes rêves, marche ou crève, sois pas lazy boy. Lève la chaise, moi je pars, allez-y. Janis Plus avec la pièce Aléa, ça a fait son entrée la semaine du 25 juin 2012, de mes pièces préférées l'été. Et juste avant, c'était Canaille avec Bien-être, qui était une de mes pièces préférées l'été. Hein, c'est comme si on faisait, on s'assurait que chacun ait sa pièce dans le bloc. C'est comme ça. C'est concept, c'est donc bien joyeux c'est et heureux. Ah, tout le monde est content! Mm-hmm. Bon. Donc, toujours avec Alexandre Cloutier, Alexandre Carignan et Mathieu Plante. Groupe, oui. Yay. Simon Fitzbé vient d'arriver. Oui. Soyez heureux. Bon, ben quand profitez de mon élimination. Come on, get happy. C'est la chronique pour les nuls. Je pense que c'est Command Get Happy, c'est quoi? C'est la chanson de Partridge Family, ça, je pense? Command Get Happy. Non, c'est qui chante ça? Moi, je connais Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin. Il y a Happy Happy Joy Joy de Ren and Stimpy. Oui, effectivement. Happy Birthday. Happy Happy Birthday. Ouais. Ouais. C'est les seuls, je pense, c'est les seuls. Ouais. C'est les seuls tunes qui ont Happy. Happy Together. Happy Together. Oui, effectivement. Elle gagne. Il y a ça. Donc, c'est juste parce que Simple Plan l'a repris sur la transalante de Freaky Friday. C'était bien meilleur avec eux autres en plus, hein, je me dis. Ouais, c'est évident. Donc, Simon Fédibé, c'est ta dernière chronique pour les nuls. Oui, ben, c'est ma dernière chronique, en fait, tout court, dans le cadre d'Assemblage Requis. C'est ta dernière chronique exclusivement Assemblage Requis que tu fais oui. pour l'émission Assemblage Requis. Effectivement. Si on peut dire comme ça? Oui. D'accord, parce que tu vas revenir nous parler de d'autres choses. Oui, je vais revenir vous parler, mais ça sera pas là, ici, avec vous, tout le temps. C'est-à-dire... Ça va être pré-enregistré, comme ouais, on se ça va être d'un autre... d'une autre de période dans le temps. Oui, tu vas nous parler de dans le passé, je pense. Dans le passé, oui. Ouais. Je vais vous parler au passé, dans le passé, au présent et au futur, tout dépendant de comment, quel temps de verbe j'ai choisi pour ma chronique cette semaine-là. Incroyable. Bon, donc, tu te rends hommage à toi-même, oui. comme seul toi peut le faire, ben sinon, qui sait qui va le faire? Ça? Écoute, je pense que j'aurais pas pu faire confiance à personne dans le cas d'un hommage à moi-même. Écoutez, mes chers nuls et amis co-animateurs, c'est avec beaucoup de regrets et je l'avoue, un semblant de boule dans la gorge que je suis arrivé à ma dernière chronique dans le cadre d'Assemblage Requis. Après 3 ans d'affilée, à vous avoir offert de merveilleuses, amusantes et passionnantes chroniques éducatives, j'accroche mon micro de chroniqueur. Bien, souvent, ils tiennent pas puis ils lâchent tout seul avec la vitre. Oui, hein? Comment tu les accroches? Ils n'arrêtent pas de tomber. Faut faire attention, vraiment. Il faudrait comme racheter des crochets. des cartes de suspension. Ah, bonne idée. En acier. Ouais. Donc, tenir cette chronique hebdomadaire me manquera grandement. Ah oui, ça, c'est certain. Par contre, je ne sais pas qu'est-ce qui me manquera le plus. Est-ce que ce sera les longues heures à préparer cette chronique-là en étant rémunéré au salaire bénévole? Pauvre chouette. Se lever à 5h30 du matin pour aller lire cette chronique-là le jeudi, puisque c'était toujours le jeudi, et qui est particulièrement froid entre janvier et mars, alors que le soleil n'est pas nécessairement au rendez-vous lorsque je me rendais à la station à pied. Ou est-ce que ça sera les jeux de mots suspects de Mathieu Plante qu'il essayait plutôt d'insérer à chaque chronique? Mais non! Il n'y en a pas, ce qui me manquerait le plus, en fait, ce sera probablement le plaisir que j'ai eu à porter mon épaule à la roue de cette merveilleuse émission. Ah, ou la roue à mon nom, ou lapin, je ne boirai pas de ton nom. Ouais, la charrue devant les bœufs. Ah oui, la charrue devant les bœufs, effectivement. C'est à l'automne 2009 qu'a débuté notre aventure commune à vous, les requins, et moi, Simon Fédibé, chroniqueur extraordinaire. C'est par goût d'aventure, mais également dans le but de rendre service à l'humanité et aux auditeurs de C'est fou que j'ai entrepris ma toute première chronique « Paul is dead » qui portait sur les légendes urbaines du monde du rock. Je sais, vous trouvez-vous aussi que c'est un concept des plus intéressants et que vous aimeriez retourner dans le passé afin de pouvoir les écouter, si vous les avez manqués. À l'époque, l'émission était en fin d'après-midi dans la case horaire dédiée au retour. Cette case horaire si intéressante qu'elle est encore la plus difficile à remplir encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, c'est comme s'il n'y avait plus rien là pour les reprises. Ouais, c'est tellement passionnant. À l'époque, Mathieu était déjà très expérimenté, comme on le connaît, mais animé également avec un trockeur, amateur de crème glacée, respectant beaucoup trop les dauphins, du nom de Kiwan. Ah oui, notre ami Kiwan. Cette première année fut des plus mémorables. Paul is dead a été un gros succès d'Assemblage Requis, je dirais même peut-être le seul succès d'Assemblage Requis. Uh-huh. Tellement big que je vous en parle encore aujourd'hui, imaginez-vous donc. C'est ça, il n'y a plus personne qui s'en rappelle parce que les élèves ont tous changé depuis, je pense, à l'université. À peu près. Mais bon. De la vraie mort de Paul McCartney à la fausse mort d'Elvis Presley, nous avons parlé de toutes ces fausses vraies histoires du rock dans la collégialité la plus viscérale. L'éloquence de ces chroniques-là fut telle que Kiwan prit la et toujours en cavale depuis. L'année suivante, Assemblage Requis déménage le matin à 7h. Ce fut tout un défi à relever pour Mathieu et son nouveau co-animateur, François-Olivier, parce que l'animateur qui était là avant, il était bon. Et carrément. Ah, il était bon. En passant, François-Olivier, c'est comme, comparé à Kiwan, en fait, c'est un léger upgrade plutôt du côté de la verve, puisque on reconnaît François-Olivier à ses célèbres tabarouettes, n'est-ce pas? Oui, oui. Qu'il essaie depuis de se débarrasser. Qu'il essaie de se débarrasser. Il est pratiquement arrivé. J'ai hâte de voir au début de la prochaine saison, parce que je vous écoutais. En fait, j'ai hâte d'entendre, parce qu'on voit pas à la radio. Non, on n'a pas de web émission comme le laissait supposer Alexandra tantôt. De web caméra. On va vous revoir. Donc, on peut parfois se demander ce que fait François-Olivier. Mais on sait qu'il fait un travail exemplaire dans la co-animation, mais également lorsqu'il est temps de ramener Mathieu et ses requins au niveau de l'émission matinale. Faut dire que c'est difficile d'accoter le gars qui était là avant Assemblage Requis le matin parce que tabarouette qui était bon, lui. C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de reprendre le collier d'une chronique suite aux incessantes demandes de Mathieu qui souhaitait ajouter un ingrédient de qualité à son émission du matin, mais tout un ingrédient, c'est-à-dire moi-même. Qui, juste pour le bienfait d'Alexandra et Alexandre, Simon animait à Saint-Blaise. Attends, j'ai pas fini. Ok, excuse-moi. Okay. En fait, il cherchait un animateur ou un chroniqueur en fait aussi bon que l'animateur de l'émission qu'il remplaçait le matin. Il était bon, lui. Ben oui, c'était moi. Il était très bon. Je pense que c'était un insight. Ben non, ben il fallait l'expliquer éventuellement. T'as bien fait. C'est bon. T'as bien appris. Calme-toi. Calme-toi, Mathieu. Ça va. Paul is Dead se transformant alors en véritable phénomène. Une chronique consacrée à l'histoire de la musique qui abordait à chaque semaine un volet différent de l'histoire du rock, s'intéressant à l'histoire d'un groupe ou d'artiste en particulier. Phénomène fut l'étape suivante dans mon œuvre basée sur l'éducation des masses. En plus, cette saison 2 d'Assemblage Requis me donna la chance de mentorer un jeune chroniqueur qui passait juste après moi, François Landry, et sa chronique de politique aérie. Heureusement, je lui aurai assez appris pour qu'il puisse voter, je veux dire voler, de ses propres ailes. Oh. Joke à saveur électorale, c'est génial. Donc, allez, bonne chance François, je te souhaite sérieusement la meilleure des chances parce que pas avoir moi pour ouvrir le show avant que tu arrives, j'imagine que ça va être très compliqué. Pour la deuxième année de l'édition matinale d'Assemblage Requis, c'est-à-dire la saison 3 de l'émission, eh bien, Phénomène a pris une tournure beaucoup plus technique afin d'approfondir les connaissances de nos auditeurs. Encore une fois, j'ai souhaité venir en aide au peuple à servir les auditeurs de C'est fou grâce à mon talent de chroniqueur, de communicateur et mes connaissances presque sans bornes. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, en fait. Il faut que je commence à parler au passé de cette expérience géniale. Oui, jusqu'à temps que tu changes d'idée et que tu reviennes. Mais bon, ça, c'est pas d'accord. Ce fut un défi tout particulier d'abandonner la simple biographie pour me consacrer à la spécificité du fonctionnement des instruments de musique tels que le thérémine, l'effet stéréo ou la réverbération. Ce n'était pas tant un défi pour moi, mais plutôt pour les auditeurs et collaborateurs de C'est fou qui devaient maintenant faire affaire, en fait, à un certain... Ils devaient faire un certain effort afin de comprendre de quoi je les entretenais à tous les jeudis matin. J'espère que l'expérience ne fut pas trop fantasmagorique. Je voudrais pas mettre trop de pression sur les épaules des prochains chroniqueurs d'Assemblage Requis. Ce qu'il en reste. Non, mais pour vrai, forcez-vous, la barre est quand même haute. Ouais. Assemblage Requis, c'est une édition d'été. C'est aussi une édition d'été pour garder les animateurs et chroniqueurs en forme pendant la période estivale. Là aussi, j'ai choisi de participer à l'émission dans l'optique du don de moi-même, du don de soi, qui avait déjà très bien servi Assemblage Requis en saison régulière. Pendant ces deux étés, dont celle-ci, j'ai eu la chance de côtoyer non seulement l'excellent Mathieu Plante, animateur de l'émission, mais également ses co-animatrices de talent qui venaient observer l'expérience d'un Mathieu Plante ou même d'un Simon Fitzbé. Les chanceux. Ah oui. C'est pour ça qu'il restait rien qu'un mois chaque. Mais je n'oublierai pas la petite Marie-Pierre ou la petite Alexandra ou la petite Jacinthe Raymond Drainville. Jacinthe. Du web au nul, c'est toujours avec l'âme charitable que j'ai choisi de vous côtoyer avec les chroniques les plus diversifiées, malgré mon manque évident de temps à consacrer à ces chroniques-là, mais qui fut quand même génial. Elles ont été si importantes pour nos auditeurs que ceux-ci sont encore trop gênés pour venir me féliciter de mon bon travail. Non, mais tu sais, c'est vrai, en 3 ans, j'ai jamais eu un simple petit merci de la part des auditeurs. Non, c'est ça, les lignes de téléphone ne rougissent pas. Ça rougit pas, pas en tout. Et nous en sommes donc rendus à la fin d'une aventure pour moi, certes, mais ça signifie pas la fin d'Assemblage Requis, malgré l'immense vide que je laisse derrière moi. Mais je quitte l'émission en sachant qu'une multitude de chroniqueurs sont là pour reprendre le relais. Des chroniqueurs qui s'attaqueront à des thèmes et à des sujets les plus variés et qui vont collaborer à l'épanouissement de ce merveilleux programme qu'est Assemblage Requis. Je regarde cette relève de nouveaux chroniqueurs ainsi que ceux qui ont un peu plus d'expérience avec une certitude et une seule, je fus le meilleur d'entre eux. Les amis... Ne vous demandez pas, vous me manquerez, dis-je, autant que tous autant que vous êtes. Mon seul regret, c'est que je pourrai jamais comprendre à quel point moi je vous manque parce que je me suis jamais manqué à moi-même. Je sais que c'est toujours plus grand. J'ose croire donc que je fus non seulement un modèle, mais également une référence pour les jeunes qui sont maintenant légion pour essayer de me remplacer. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour vous autoriser à utiliser mon nom comme synonyme d'excellence ou de perfection pour un chroniqueur qui s'avérait aussi bon que moi. Comme si c'était possible. Ouais. Synonyme ou simonyme. Simonyme, c'est bon ça. Donc, fallait que je te vole le spotlight encore, hein? Non, mais ça va, c'est bon, tu sais. Je veux dire, faut que tu aies ta petite place à m'emmener. Après tout, c'est ton émission. Je sais que tout le monde écoute, que ce soit pendant la semaine ou pendant l'été, écoute pour m'entendre en quelque part, là, vraiment. Ils sont aux aguets, mais ça reste quand même ton émission. Il faut que tu reprennes les rênes de cette émission-là. Si, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais encore une fois, le bénéfice des nombreuses gens qui nous écoutent à la maison, sachez que cet automne, et moi j'ai calculé mon pourcentage, 25% moins de Mathieu Plante cet automne. Toi, Simon, ça va être combien de pourcentage, c'est-tu ça? C'est une très bonne question. Ouais. Ça risque d'être un peu plus que 25% parce que je passe de l'équivalent de 4-5 heures à 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Ouais. Ouais. Puis voulez-vous, la relève s'en vient? Mais il en faut, il en faut de la relève. On vous regarde là et la barre est haute. Ouais. Bonne chance, tu sais, je veux dire, bonne chance. Simon Fitzbé, tu t'es rendu hommage avec brio. Ben, tu sais, tout ce que tu fais est bon. Fait que l'hommage n'avait pas le choix d'être bon aussi. Écoute, toujours, toujours. C'est ça. Et on va te retrouver comme ça. Ça va rester dans les annales. Oui. Ouais. Et autres mots douteux comme ça. C'est ça. Ouais. On va te retrouver cet automne à Assemblage Requis avec ta chronique. En fait, ça va, tu vas lire ton article du Zone Campus que tu fais chaque deux semaines. Oui, je vais vous illuminer avec mon omniscience, mais cette fois-ci du côté de l'éditorialisme. En pleine face. En pleine face. En pleine face. Donc, ça va commencer la semaine prochaine. Et puis, on peut te retrouver à quelques émissions pour une dernière semaine. Est-ce qu'on fait des plugs? Qu'est-ce qu'on fait comme plug? En fait, il en reste seulement une cette semaine. Okay. C'est Album Classique qui va avoir lieu dans la diffusion originale. C'est demain, vendredi, en avant-midi. À 10h. Oui, à 10h. On va présenter l'album Music from Big Pink, c'est-à-dire du groupe The Band. Et ça, c'est une émission qui va rester dans la semaine, à la même heure, à 10h. Et on va avoir une nouvelle émission, éventuellement, avec le copain de Mademoiselle Alexandra, qui va s'appeler L'Examen Final. Mais c'est tout ce qu'on peut vous dire là-dessus. Ça va avoir rapport avec des albums de musique. OK. Et ça va être en quelque part dans la semaine. D'accord. À une heure et un jour à déterminer. Exact. Parfait. Donc, Album Classique, on le rappelle, vendredi à 10h. C'est aussi les dimanches à 13h et les mardis à midi. Surveillez le CIF.ca pour toutes les émissions de Simon. Comme ce qui va en rester, ce qui va s'ajouter, c'est très important. CIF.ca, c'est tout ce que vous avez à retenir. Exactement. Voilà. Et Simon Fitzbé, je te remercie. Même si tu t'en vas pas, je sais que tu t'en vas physiquement du studio. Oui, effectivement. Nous, on va avoir encore contact avec toi, on va encore t'entendre, donc on ne dira pas au revoir. Vous allez le souvenir de mon excellence aussi. Exactement. L'excellence sur deux pattes. Effectivement. Oui. Sauf quand il est à quatre pattes, c'est à quatre pattes, ça dépend. Non, mais tu pourras faire, mec, je te demande une note sur ma chronique, ouais. Là, on pourra faire d'une échelle de 1 à Simon Fitzbé. Ah, exactement. Il a très bien compris, lui. Oui, va écouter toutes les chroniques de Simon Fitzbé. Tu peux pas te tromper, c'est ça l'affaire. Oui. Sauf la technique est toujours mauvaise. Le gars, il se trompe à tous les deux secondes. Donc, Simon Fitzbé, on apprécie beaucoup ton travail et on apprécie que tu vas rester au moins un petit peu avec nous cette autre. Non, mais merci à vous, sérieusement, Assemblage Requis. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, là, honnêtement, à faire mes chroniques. J'ai travaillé là-dessus parce que j'aimais ça, pas parce que j'étais obligé. Puis, justement, vous allez me manquer, le direct, François-Olivier et toi, et les co-animateurs et les chroniqueurs également. François Landry, que je vais voir en quelque part à un moment donné. Aux toilettes. D'habitude, c'est pas mal tout aux toilettes. Oui, petit François, te rappelles-tu lorsqu'on avait une chronique en commun? Ouais, c'est triste. Et puis, je pourrais pas faire de blague pendant ta chronique. C'est la fin, il faut que je me retienne jusqu'à la fin de la chronique. Ouais, mais tu vas pouvoir l'éditer, rajouter des trous au pire, puis faire des blagues. Bonne idée. Bonne idée. Simon Fitzbé, sa chronique pour les nuls, on retire ça de tout et partout. On retire le chandail. Oui, c'est ça. On peut le mettre sur le mur du studio. Bonne idée. Enlève ton chandail de Drella. Non. C'est celle-là. Donc, vous êtes toujours à la vie de croisière l'Assemblage Requis. Merci encore, Simon. Alexandra, on continue en musique? Mais oui, on va continuer avec mon choix musical. Dis-moi, promouvois le tien, faisant la promotion, et je commencerai ce coup-ci. La promotion du mien est Simon Kingsbury avec Jouer du coude. Ah, t'as dit ça à Simon tant qu'à ça? je vais la dédier à Simon Fitzbé. Ah, mais c'est pas tout dédié envers moi depuis le début. Je pensais que c'était une émission spéciale en fait, sur mon départ. C'était un sous-titre, mais tu sais, pour ceux qui n'ont pas compris, on l'officialise en ce moment. OK. Je te mets tout de suite Simon Kingsbury, juste parce que ça s'appelle Simon Kingsbury. La tête dans le cul, t'avances dans le dos, l'impression d'être en retard. De cauchemar, une chose bien simple comme avancer se transforme en une action risquée, les poumons crispés. Tu voudrais bien lui faire comprendre que je deviens plus en plus courte. L'avenir te pousse à bout, te pousse vers un stay all in front. Into the Well, 2010, dans mes choix de l'été. Ici, la vie de croisière de l'assemblage requis. Alexandra et moi, on choisit nos pièces préférées. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est ceux qu'on aime le plus. Moi, le mien, c'était Simon Kingsbury avec Jouer du coude, qui était mon choix préféré. Dit-elle en levant le coude. Mon choix. Mon choix. Bon. C'est beau à la radio de montrer son coude. C'est pas poli. Mais non, mais c'est universellement. C'est le symbole reconnu de. C'est mange de la. Lève le coude. De... Donc, toujours avec Alexandra Carignan et Alexandre Cloutier. Ça va et bien Mathieu toujours? Plante. Ah, oh, bon, non. Bon, oui. Bon, non, il est toujours là, ce gars-là. Tout le temps, là. Pour l'instant. On a déjà essayé de comme dire, mais on voudrait un autre animateur, mais. Apparemment, t'as un bon contrat béton. Ouais, apparemment. Apparemment. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la chronique que tout le monde préfère. Je pense que vos mères aiment ça, surtout, aussi. Oui, ma mère aime ça. Une grande fan. Oui, fan. Tout le temps. Voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, les 3V, et c'est aussi, je pense que ta tante, Alexandre, aime ça. Ta tante aime la chronique, je pense, hein? Non. Non? OK, il me semble aussi. Ma tante, elle aime ça, c'est pour ça que tu t'es trompée. Ah, je me mélange tout le temps dans les tantes du monde. Et là, t'as fait ta jeu de mots sur les tantes. Là. Oui, sûrement, genre qu'elle est confortable de son intérieur et non. Ça va faire. Aujourd'hui, c'est Quickie Edition, encore une fois, donc que des faits en rafale sans trop d'explications, et si vous y croyez pas, ben c'est trop dommage pour vous. Les gens qui ont grandi en regardant la télé noir et blanc ont moins de chances de rêver en couleur, selon une étude faite en 2008. Une vraie étude a été payée pour ça. Wow! Le 27 août 1896, les Britanniques ont battu le Zanzibar. C'était la plus courte guerre de l'histoire. Toi qui es fanatique d'histoire? Ben oui. Je connais, évidemment. Ça a duré 40 minutes. C'est ça? Ah oui, non, moi, je n'étais pas au courant de ça. On m'apprend pas ça dans mes cours. Bon, tu vois, c'est ça les choses importantes de la vie, là. La plus courte guerre. Ouais. C'est ça. Les Canadiens mangent plus de beignes par personne que n'importe quel autre pays. Tu sais, Dunkin' Donuts, là, ça a fermé à Trois-Rivières, en Mauricie, partout, mais... plus, mais... J'ai été aux États-Unis de nombreuses fois, là, ouais. Et les Dunkin' Donuts, il y en a partout. Chaque coin de rue. C'est une épidémie. C'est même pas bon, en plus. C'est pas si pire. Le café chez Dunkin', moi, je l'aimais bien. Non. Mais je suis là, seul. La chaîne canadienne est bien plus efficace que les Dunkin'. Ouais. Moi, je trouve. Le Tim Hortons, là. Tu voulais pas le mentionner? Je voulais pas le mentionner. Maintenant, mais il achète maintenant de la pub, que c'est fait. C'est ça. Ouais. Ben, moi, je trouve que Tim Hortons, j'avais un Dunkin' à côté de chez nous. Ouais. Tu choisissais de pas y aller. Puis je choisissais de pas y aller parce que je. Tu sais? Tu sais? C'est ce que ça te fait, ce café-là. Ben, c'est juste ça qu'il y a aux États-Unis. Fait que si vous aimez pas le Dunkin', vous êtes à quelque part qui ça pue. Connaissez-vous le terme verbal dysdecorum? Non. Non. C'est une condition, dans le fond, c'est un problème au cerveau qui empêche les patients de se censurer eux-mêmes. Ils n'ont pas d'autocensure. Pas de filtre. Des fois, tu dis, hey, t'as pas de filtre. Tellement que, mettons, tu es en train de jurer. Ouais, c'est ça. T'sais? Puis là, ils n'ont pas de filtre. Pas de filtre. C'est un peu la tourette. C'est un peu la tourette. Ben, ça ressemble en tout cas. Ça ressemble à ça. Si t'as besoin d'un mot plus difficile à épeler, plus difficile à retenir pour le trou pour ta manche dans ton chandail, c'est le trou pour tes bras, finalement. Ouais. Bon. On appelle ça un armsi. Je sais pas comment le prononcer. A-R-M-S-C-Y-E. Ce trou-là. On dirait un MC, tu sais. MC! Moi, c'est MC trou dans mon chandail. MC bra. Trou de bras. MC trou de bras. Tu sais? Puis genre, il y aurait juste un bras. Comme ça, ben ça pourrait être trou de bras, mais au singulier, tu sais. Ouais, c'est vrai. MC trou de bras. Bon. MC trou de bras. Peut-être que vous êtes demandé, Alexandre et Alexandra, c'est toujours mêlant ces deux noms-là, mais quand même. Alex et Alex, c'est eux. Bon. Ben oui, c'est ça. Pourquoi il n'y a pas de batterie B? C'est les vrai. Batteries, les types de piles. Il y a des A. Oh, on dirait une chanson de MC et trou de bras. c'est vrai. Son prochain hit. Oui. Donc, ouais, oui, t'as mentionné les piles A. Est-ce que t'as déjà vu des piles A récemment? Des piles A? Juste A, là. Hein? Non. Je t'ai eu là-dessus, hein? Non. Surtout des 2A et des 3. C'est vrai. Parlons-en un petit peu. Celui-là a des explications via Mental Floss. C'est autour de la Première Guerre mondiale et les compagnies qui fabriquaient des piles aux États-Unis. Ça s'appelle le War Industries Board. Et quelques agences gouvernementales se sont rassemblées, réunies pour développer des spécifications uniformes et nationales pour la grosseur des batteries. Et les cellules des batteries qu'il y a à l'intérieur, l'arrangement de ces cellules-là dans les piles, leurs critères de performance minimum, le pluriel de minimum. Minimal. Minimal, minimum? Mini, minimal, mini, mini, mini, le plus petit. C'est ça. En 1924, l'industrie et les représentants du gouvernement se sont rencontrés encore une fois pour trouver un système pour nommer ces batteries-là. Ils voulaient standardiser ça. Ils ont basé ça sur l'alphabet. Ça, je pense qu'on avait compris. Donc, la plus petite avec les plus petites cellules, c'était la A. Ensuite, il y avait B, C et D. Il y avait aussi une pile numéro 6, littéralement numéro 6, qui était plus grosse que les autres et assez commune à l'époque. Donc, on l'avait gardée, étant donné qu'elle avait déjà le nom numéro 6, on l'avait gardée dans le système, même si c'était pas une lettre. La technologie des batteries a changé, s'est améliorée. La grosseur des batteries, bon, évidemment, a aussi changé. Et les batteries plus petites que les A se sont fait nommer 2A et 3A. Ces nouvelles batteries-là, qui étaient parfaites pour les nouveaux appareils électroniques de plus en plus petits, donc ça a commencé à être vraiment populaire. Les batteries C et D étaient surtout utilisées pour des applications, des appareils qui avaient besoin de plus d'électricité, comme une lampe de poche. Donc, il y avait souvent des batteries C et D. Les batteries A et B, simples lettres, n'avaient plus vraiment de raison d'être entre les plus petites et les plus grosses. Donc, ils ont été éliminés, sont presque disparus, complètement, en fait, presque, ça dit, plus ou moins disparus des États-Unis, donc ça peut encore être trouvé. Même si on verra pas de batteries A ou B dans des magasins américains, la plupart, en tout cas, il y en a encore dans le monde. On les utilise dans les, dans certains, ça dit certains trucs de batteries pour les portables. Ok, je sais pas pourquoi. Les batteries B sont encore utilisées à quelque part en Europe pour, entre autres, des lampes de poche et des lampes de vélo. Et selon Energizer, c'est de moins en moins utilisé. Donc un jour, peut-être que ça disparaîtra complètement. Oh. C'est pour ça qu'il n'y a plus de batteries B. Hein? Simple. On revient au fait rapide maintenant. Catégorie sport, le golf a été banni en Angleterre en 1457 ou en 1457, comme diraient les personnes de 60 ans. Parce que c'est ça, moi. Bon, ben, voici, on vient de révéler ton âge, hein, non? Oups! Parce que c'était trop distrayant par rapport au sport du tir à l'arc. Je sais pas pourquoi ils disent qu'ils ont banni ça parce que ça distrayait les gens par rapport au tir à l'arc. Peut-être mais que ça faisait que moins de gens faisaient ça. Le tir à l'arc est bien plus le fun que le golf. Le Check Hunger Games, là! Hein? Ok, je suis vendu un peu. C'est quoi son nom, déjà? Katniss Everdeen. Katniss Evergreen. Ma serveur amie l'appelle Catnip. Catnip, tu vois. Ouais. C'est pas mal plus joli que Katniss. Hein? Ouais. Un peu, je sais pas. Hein? Toujours en sport et toujours en golf, une balle de golf à 350 petits trous. Tu sais, des petits trous, là? 350. Ouais. La LNH, Ligue nationale de hockey, a annulé le overtime. Je sais pas en français comment t'appelles ça, ça me tente pas vraiment de chercher parce que c'est du sport puis je m'en fous. Mais ils ont annulé l'overtime pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y avait des restrictions par rapport au voyage en train. Donc les joueurs allaient rater le train si la partie durait trop longtemps. Il y avait moins d'horaires de train. C'était un peu comme la STTR en 2012. Ouais. Mais lors de la Deuxième Guerre mondiale, pour les trains. Les horaires sont courts, passent pas souvent, pas sûr qu'on va être à l'heure, oups, sont en pause, etc., etc. Bon. C'est mon commentaire, je le fais à chaque fois que je peux. C'est ça, il annonce pas ici? Parfait. Les ventes de cocaïne partout dans le monde génèrent plus d'argent que Microsoft, McDonald's et Kellogg's combinés ensemble. Les ventes de coke, cocaïne. Ah oh, ouais. Non. Le voyage par avion est 10% plus lent maintenant qu'en 1960 pour économiser du gaz. Quand tu vas moins vite, tu dépenses moins de gaz. Alors, en 1960, ça, c'est ça. On pouvait traverser l'Atlantique plus vite que ça. Présentement. Ça coûtait moins cher. Ouais, wow. Hein? Quand même. Hein? Bravo, Air Transat. C'est ça. Si on peut apprendre un fait intéressant dans la chronique. Bon. lors d'une année moyenne, pour chaque personne tuée par un requin. Là, on parle de requins comme dans les auditeurs d'assemblage requis, les assemblages requins. Okay? Donc, dans une année moyenne, pour chaque personne tuée par un requin, il y a plus d'un million de requins tués par une seule personne, ou en fait par toutes les personnes en général. Oh, hein? Les requins, faites attention, watch your back. Hein? Watch your back, certain. Watch your back, bitch. La Honda Accord, 1994, est la voiture la plus volée aux États-Unis pour la quatrième année de suite. Honda Accord 94. J'en ai une 90. Chanceuse! Tu t'en feras jamais voler. ton petit intestin. On veut tous penser à notre petit intestin et son contenu. Ouais. Une surface qui est aussi grosse qu'un terrain de tennis ou un court de tennis. Si tu le dépliais, là, la surface complète de ton c'est petit intestin. C'est sympathique, ça. C'est bon à savoir. Mm-hmm. Ça rentre tout là-dedans? Oui! Yeah! Le nombre de gens tués par l'éclair à Cuba est 6 fois plus élevé que la moyenne dans le monde. À Cuba, 6 fois plus en moyenne. Étrange, hein? Quand même, ouais. Étrange. Les pigeons ne peuvent pas regarder la télé. parce qu'ils processent, là, j'utilise le mot en anglais, là, ils processent les images trois fois plus rapidement que les humains. Donc, eux, alors que nous, on voit du mouvement, eux, ils ne voient qu'un genre de slideshow, tu sais, un peu comme un genre de galerie d'images qui s'afficherait une après l'autre, là, tu sais. Donc, ils peuvent pas regarder la télé parce que ça aurait l'air d'être du image par image, tu sais. Bizarre. Catégorie célébrité maintenant. Il y a 18 personnes qui s'appellent Justin Bieber aux États-Unis. Ha ha ha ha. En plus, c'est que Justin Bieber est même pas américain. En plus, il est canadien. Il est canadien. Il trippe Dunkin' Donut. Ben oui. Non, il trippe Tim Hortons. Pour vrai? Oh. Je sais pas. C'est vrai, t'as raison, c'est Dunkin' aux États-Unis. Ouais. C'est ça, ouais. Shaquille O'Neal a des souliers de grandeur 23 et c'est les plus gros souliers de l'histoire de la NBA au grand complet. Là où, quand même? Mm-hmm. Les 23. 23. Pour homme. Bah, pour femme, ça serait l'équivalent des 18. Quoi. Peut-être, je sais pas. Il y a rien là. Non. 578 cheveux de Beethoven se sont déjà vendus pour $7,300 aux enchères. Des vrais, là. On dit 578 strands. Je crois que strands, c'est des mèches. Donc, 578 mèches. Ça vient moins cher que 578 cheveux. Mais comment les cheveux de Mozart... Beethoven, là, attention. Beethoven. Insulte-le pas, là. Non. Comment aussi me comparer à ce sacre qu'est-ce bleu de... Comment? La question reste tout de même là. En tout cas... Oui, et oui, la preuve que c'est vraiment des cheveux de Beethoven. C'est ça. Ouais. Alors que 40 mèches de cheveux de Abraham Lincoln se sont vendues pour $3,750 en 2004. L'autre, on n'avait pas l'année, donc on peut pas faire la comparaison avec l'inflation. Mais ça me trouble vraiment. Comment ils doivent piller les tombes? Probable. Oh, wark. C'est comme pour les éléphants, tu sais, tu leur coupes la... Licorne? Ivoire, que je savais pas ça. 160 espèces de poissons sont découvertes à chaque année. Hmm. Wow! On est passé à la catégorie animale, pour ceux qui suivent. Les pieuvres sont sourdes. Ah ouais? Oui. Les éléphants sont les seuls animaux avec 4 genoux. Tu sais, okay. Avec un X, ils bougent au genou. Là. C'est quand même drôle. Quand même. Maintenant, on change encore de domaine. Le New York Board of Education a commencé à empêcher les gens de fouetter les enfants à l'école le 4 mars 1908. Avant ça, on pouvait fouetter les enfants à l'école. 1908? Ça veut dire que Charles Dickens, là, il a fait un roman là-dessus. Oh. Ça s'appelle Nicolas Nickleby. Oh. Ça parle des enfants maltraités dans les écoles. En tout cas... Intéressant. La plus grande chute de neige... À jamais avoir été enregistré 189 pouces au Mount Shasta Ski Bowl en février 1959. Est-ce que Charles Dickens était dans le coin? Non. 1959. Non, Charles Dickens, c'est le 19e siècle. Est-ce que ton mémoire non, mais parle de Charles Dickens? C'est mon amour historique, Charles Dickens. J'ai lu tous ses livres, j'ai fait genre 4 travaux sur lui. Je suis une Charles Dickens geek. C'est moi ça. Oui, parfait. La base de la Grande Pyramide d'Égypte est assez large pour couvrir 10 terrains de football. Eh bien. Tabarouette, c'est grand ça. Les experts croient qu'on peut retenir environ 7 articles, 7 choses dans sa mémoire à court terme pendant environ entre 20 et 30 secondes. On peut retenir 7 choses pendant 20 et 30 secondes. Si on les mentionne, c'est genre. C'est œufs, patates, margarine, pain, t'sais. On va s'en souvenir pour comme. Moi, je m'en souviens déjà plus de ce que j'ai dit. Tu dis que tu vas l'écrire, mais tu l'oublies tout de suite. C'est ça. Vive les iPhones. T'sais. Bon. Ah. Moi, j'ai un cahier de notes qui fait parfaitement l'affaire et qui coûte vraiment moins cher. T'es old school. Je sais. Si le soleil arrêtait de briller soudainement, ça prendrait 8 minutes avant que les gens sur Terre s'en rendent compte. J'aimerais vraiment avoir l'explication pour ça. Ça prendrait 8 minutes. Je le comprends pas. Les scientifiques avec des caméras haute vitesse ont découvert que les gouttes de pluie ne sont pas en forme de ce qu'on appelle une goutte, mais en forme de pain hamburger. Pas vrai. Les gouttes de pluie. Au ralenti, quand ça tombe, un hamburger. Tu sais, quand on dit « Il pleut des hamburgers », le film... Oui, oui, Cloudy with a Chance of Meatballs. Oui, pourquoi ça s'appelle pas en J'aime français? J'aime tellement mieux le titre anglophone. Genre « Nuageux avec possibilité de boule de viande ». Oui, genre. C'est... Ce serait cas, parfait, ça. Ce serait parfait. En tout cas... Il pleut des hamburgers. Il n'y a pas de pain, c'est juste des boules de viande, c'est pas des hamburgers. En tout cas, ouais. C'est ça. Ben non, je suis totalement en accord avec toi. Sauf un Sloppy Joe, là, tu pourrais faire des boules de... Non, ça marche pas non plus. J'essaie de leur trouver une façon, ça marche. ensuite, si tu te fais frapper par l'éclair, donc t'es à Cuba, parce que c'est 6 fois plus de chance. Ouais, ouais, ouais. Ta peau va être chauffée à 28 000 degrés centigrades, ce qui est plus chaud que la surface du soleil. Tu sais, quand on dit que j'ai pas envie de me faire frapper par l'éclair? t'as vraiment pas le goût. Hein? Pas envie. 28 000 degrés centigrades. Le citoyen américain moyen boit l'équivalent de 600 sodas ou liqueurs par année. En moyenne, 600. Le supermarché moyen aux États-Unis va gaspiller environ 3000 livres de nourriture par année. Ça, c'est sûr. Il y a plein d'affaires que je vois à l'épicerie que je me dis, il y a personne qui achète ça. Comme de fait, c'est sûr que tout le monde s'est jeté. Ça. C'est sûr que c'est jeté. Non? Ben, je trouve ça triste. Ouais. Mais il faut qu'ils stockent tout, tu sais. Ouais. Allons-y. Ok. Est-ce que je fais... Non, je vais sauter par-dessus le bloc jeux vidéo. Je les garde pour la semaine prochaine parce que je veux nous garder le bloc Sexy Time, Quickie, Stuff Edition, Sexy Quiz Time, genre... Quiz time. Fait que là, il faut donner des réponses. Pas vraiment. Okay, c'est un mot de plus dans le titre. Okay. On parle de sexe après la pause et je vous avertis à l'avance de boucher vos oreilles. Bouchez-les pas tout de suite parce qu'on s'en va entendre. Un dernier fait pour commémorer. Vous savez que Neil Armstrong est mort cette semaine et non pas Neil Young, comme l'a dit NBC. Cette semaine. C'est ça. Oui, il y a une légère différence. Hein? Petite légère différence, comme ils disent. Oui. Donc, deux derniers faits là-dessus. Neil Armstrong, son application pour devenir astronaute est arrivée une semaine passée la date limite. Donc, un ami lui a passé le formulaire dans la pile de formulaires pour qu'il puisse passer, alors que, tu sais, dans le fond, il avait dépassé la date limite. Donc, c'est grâce à son ami que Neil Armstrong a pu devenir astronaute. Parfouette! Et on se quitte sur une citation de Neil Armstrong. Je vais essayer de le dire comme faut. Ok, oui. Il dit « Avant les missions Apollo, personne ne savait quel genre de personne pourrait être, dans le fond, persuadé de se rendre dans l'espace. » Dans le fond, tout le monde pensait que c'était fou et dangereux de se rendre là. Donc, il se demandait comment on allait réussir à persuader quelqu'un de se rendre dans l'espace. On a suggéré de prendre des prisonniers, en prison pour les envoyer dans l'espace tellement que personne ne voulait y aller. Mon Dieu. C'est quand même pas pire, hein? Et là-dessus, on écoute Across the Universe des Beatles. Oh. Cool. Bonne écoute. On vient après, on parle de Sexy Time! Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Change my world. La pièce Across the Universe par The Beatles à la vie de croisière d'assemblage requis. C'est pas quelque chose qu'on fait jouer souvent, mais quand on en fait jouer, c'est toujours bon, n'est-ce pas? Oui. On se tente jamais des Beatles. Jamais. On continuera, c'est un fait tantôt. Pour l'instant, on accueille Justine Renaud. Voici sa chronique Les Béton. You're unbelievable. You're so unbelievable. Hey, bonjour! Mais quelle merveilleuse chronique de C'est un fait. J'ai vraiment appris vraiment beaucoup d'affaires à cette chronique-ci, sérieusement. Là, bon. C'est bien de me complimenter alors que hors onde, c'est tu m'as fait attendre pendant 20 minutes dans le corridor. Mais bon, non, mais je m'en excuse pour non, vrai. Non, il ne faut pas que tu t'en excuses parce que pendant ces 15 minutes-là, j'étais en train d'assimiler des faits que je ne savais point. Et que tu n'avais pas besoin de savoir. Mais sérieusement, là, la base de la pyramide, là, ouais. J'étais convaincu que c'était pas mal plus petit que ça. Ah. Non, mais tu sais, à la maison, entre vous et moi, là, 10 terrains de football, là. Oui. Il y en rentre des Égyptiens là-dedans. Je sais sérieusement pas qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça. Exact. Mais c'est aussi un fait que ma chronique, oui, je vous ai délaissé la semaine dernière. Je m'en excuse. Je suis vraiment peu fiable. Chacun ses excuses, hein. Vraiment, aujourd'hui, on est tous désolés l'un de l'autre. On est terrible. Ouais. Mais cette semaine, je vous reviens en force et avec aussi d'ailleurs une partie que vous allez vous en réjouir. Je vous l'ai promis. Les types de lesbiennes qui s'en viennent. Oui. Ça va être vraiment super. Ben, Ben, c'est très drôle, en fait. Là, quand on lit ça, là, c'est très vrai et c'est très drôle. C'est sûr qu'on n'habite pas à Los Angeles. Là, on verrait vraiment tous les types de lesbiennes. Mais vous allez pouvoir en voir quelques-uns, là. Et je vais vous demander, d'ailleurs, de vous identifier. Messieurs, mesdames, quel type de lesbienne seriez-vous si vous en étiez? On en parle tantôt, mais avant ça, on a d'autres segments. Oui, d'autres chats à fouetter. On va parler d'un film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Pas nécessairement un film lesbien à proprement dit, mais certainement à caractère lesbien. Lesbianesque. C'est lesbianesque, c'est un peu le burlesque du lesbien. Ouais. C'est Heavenly Creatures, en français, Créatures Célestes. C'est pas un film récent, c'est un film qui a beaucoup fait jaser, qui a d'ailleurs changé la face du cinéma complètement. Ça a été réalisé par Peter Jackson. Et oui, notre bon vieux Seigneur des Anneaux qui a su expandre et se rétrécir et expandre à nouveau. Là. Celui belle qui image, pas. D'ailleurs. Ben, en tout cas, il y en a de la peau. Il y en a de la peau. Oui. Avec les actrices Kate Winslet, la belle et grande Kate Winslet, dans le rôle de Juliette. Donc, c'est pas un film indépendant, ça, avec des acteurs et un réalisateur oui, comme ça. Oui, mais dans ses débuts, hein, Kate Winslet, dans ses débuts, c'est avant le Titanic. Là. Fait que elle était pas très connue. Là. Avec Melanie Lynskey, dans le rôle de Pauline, mais je peux l'appeler Pauline. Pauline. Voilà. Toutes deux jeunes actrices dans leur début. Melanie Lynskey a pas mal moins percé que Kate Winslet, qui est aujourd'hui, mon Dieu, en tout cas, est en demande. Hein. Bref, ce film est un drame américain sorti en 1994. Alors, fais-moi pourquoi j'ai vu ce film-là. Ma mère, un jour, m'a dit, il faut que tu vois ce film-là, ma fille. Je l'ai vu, j'en ai été traumatisée un petit peu. Qui raconte d'ailleurs l'histoire de Pauline et Juliette, deux jeunes adolescentes. Celles-ci font connaissance à l'école dans les années 1950 et deviennent instantanément meilleures amies. Alors, c'est vraiment une vraie histoire là, qui s'est passée. Elles se créent un monde de fantaisie un peu loufoque, accessible qu'à elles seules. Puis, elles se rapprochent. Et avec ce rapprochement, elles vont se départir de leurs familles respectives. Et dans leur relation obsessive, elles feront n'importe quoi afin qu'elles ne soient jamais séparées. Ça parle vraiment là, d'une espèce de relation un peu toxique. Les deux deviennent complètement infatuées l'une avec l'autre. Puis ça va mener vraiment à un dénouement absolument là, incroyable. Mais c'est une vraie histoire. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. Puis juste pour le fait que ce soit aussi... ça sort vraiment de l'ordinaire. Puis ça trempe son pied dans le cinéma lesbien. Bref. Bon, mais le fait que ce soit des adolescentes, c'est un peu troublant. Là. C'est un peu weirdo. Là, mais non, c'était bien bon. Je vous le conseille fortement. Heavenly Creatures. Heavenly Creatures de Peter Jackson avec Kate Winslet. Yeah. Tu peux pas vouloir écouter ça. Là, t'sais. C'est plein de peau. Ah, on va passer à la musique. Musique, ce nom-là circule récemment un peu plus, c'est Sia. Sia qui a fait d'ailleurs une chanson avec David Guetta, c'est pour ça que vous l'avez entendu. Là. Ah. Fait que c'est ça. Fait que c'est elle qui fait. Florida aussi, je pense. Florida aussi. Bon, ça se peut. En tout cas, elle a fait un paquet de collaborations avec Afrojack, Hilltop Hoods, je sais pas c'est qui ça, Christina Aguilera, puis elle a aussi joué dans le groupe Zero Seven. Fait qu'elle touche à tout, hein. Mais Sia, dans le fond, de son vrai nom, Sia Furlough, elle est née de deux parents musiciens. Donc, on sait pas, c'est pas difficile à voir d'où est-ce qu'elle a hérité tous ses talents. Le 18 décembre 1975, en Australie. Et oui, c'est une Australienne, mais ce n'est pas une lesbienne, c'est une bisexuelle. Alors aujourd'hui, là, vraiment, là, j'ai toutes défaites ma chronique. C'est même pas un film gay, puis c'est même pas une artiste lesbienne. Mais comment? Une bisexuelle, c'est à moitié lesbienne. Ben, c'est ça, c'est à moitié lesbienne. Une fois sur deux. Quelle face. Sa musique, oui, c'est ça, exactement. C'est même, ça marche sûrement. Elle rentre dans un bar, puis le face, elle dit... Oh, tu sais. Face, ce serait quoi? C'est la fille. Puis pile. Les deux ont des faces, fait que je sais pas, là. Ouais, c'est vrai, ça marche. Mais qu'est-ce qui pile? Ben, il y a des bois. Je sais pas, laisse faire. Okay. Moi, c'est un 25 sous que je tournais. Toi, c'était quoi? C'était un 5 cents? Non, je sais pas, un 2$. Un 2$? Parce qu'il y a un ours dessus. Sérieux? Ouais. Ben, c'est ça, là. En tout cas, si c'est un 2$ que tu vires, là, la face, c'est une fille, puis l'ours, ben, c'est le gars. Oh! Ça me semble oui. évident. Sur bon. Une peau d'ours. Bon. C'est hein? OK. Alors, elle fait de la musique du genre plus down-tempo, pop, jazz. C'est vraiment un merveilleux mélange. Si vous voulez recevoir des gens à souper, vous mettez ça, puis vous laissez la musique agir. Puis après ça, vous êtes sûr d'avoir une partouche. Non, sans joke. Je prends des notes. C'est bon. Cette jeune femme, déjà, a son actif 6 albums, 6 excellents albums. Et d'ailleurs, on va immédiatement aller écouter une de ses meilleures chansons de tous ses albums qui est parue dedans son troisième, Color the Small One, qui est paru en 2004. Cette chanson a d'ailleurs été choisie à la clôture de la dernière saison de la série Six Feet Under. C'est vraiment une superbe perle de chanson. Et en plus de jouer dans cette émission-là, jouer dans plein d'autres émissions, je vous laisse écouter Breathe Me de Sia. Help, I have done it again. I have been here many times before. Hurt myself again today. And the worst part is there's no one else to C'était Breathe Me de Sia Furler, une merveilleuse, merveilleuse chanson qui joue à la fin du dernier épisode de la dernière saison de la série, la fameuse série Six Feet Under, Six Pieds Sous Terre, qui a joué un petit peu partout. Dis pas spoiler, dis pas spoiler. Non, allons-y, non spoiler. On a appris qu'Alexandra et moi, on a une mère avec le même nom de famille. Oui, exactement, parce que là, on parlait pendant la pause que dans le fond, la chanson fait fureur. Alors, la mère d'Alexandra qui lui a demandé c'était quoi le titre de la chanson. Et on a appris finalement que son nom de famille, c'est Tousignan à la maman, parce que je m'en allais l'appeler Maman Carignan et ça n'a pas fonctionné. Mais ça arrive autant. Tousignan, Carignan, oui, c'est ça. Mais c'est ça, la mère à Mathieu, c'est une Tousignan aussi. Oui. Fait que Maman Tousignan en Corinne, the house. Bonjour. On les salue. Il faut qu'ils se rencontrent, on est peut-être frères et sœurs, puis on sait même pas. On sait pas, c'est ça. Moi, c'est les meilleurs. Mais moi, c'est une Maman Renault. Ah. Ça marche pas. Non, non. Hein, mais c'est pas grave. C'est même pareil. Toi, c'est une Maman à quoi? C'est mort. Maman, c'est mort. Aussi, ça marche pas. Non, vous autres, pas. En fait, pas. Tu vois, Renaud Simard, deux syllabes chaque poche. Tousignan, Carignan. Là, ça, c'est quand même. Tu puis plante. Ben, je suis à moitié poche, tout le monde sait ça. Je suis à moitié poche. Excellent. Est-ce que par exemple, blague de game, moitié poche, non? Ah. Est-ce que vous êtes prêts, là? Vous êtes prêts à vous atteler à mon jeu? Ben, c'est pas vraiment un jeu, là. C'est juste plus. On va vous informer. C'est quoi les types de lesbiennes qui existent? Exact. C'est quoi, hein? Parce qu'il y en a des types de lesbiennes. Parce qu'on. Autant qu'il y a des douches chez les hétéros, ben, il y a d'autres types de, en tout cas, c'est ça, d'individus dans la communauté lesbienne. On va commencer immédiatement avec que j'arrête de mettre des pieds dans ma bouche. C'est même pas les miens. Quel pied sont dans ta bouche? Bref, on va commencer le premier. OK, c'est vraiment tout doux. Écoute ça. C'est Gold Star Lesbian. C'est quoi ça? C'est une fille lesbienne qui n'a jamais couché avec un homme. Zéro fois. Dès le départ, elle sait et elle s'assume. C'est pas nécessairement qu'elle sait. Peut-être qu'elle a raté son coup à l'adolescence puis qu'elle a jamais touché à ça. Là. Ah, vrai. Mais tu sais, ça arrive des fois, là. Puis après ça, finalement, ta première, c'est une fille. Puis ça a juste été des filles après. Bref, je trouve ça pas mal cute. Je trouve ça quasiment poétique. Ouais, c'est bien. Y a-t-il des Gold Star lesbiennes dans la salle? Non. Non. Non, t'as déjà couché avec un gars? Oui, mais là, de quel bord tu penses? Bon, okay. Je parle de si t'étais une femme. OK. Toi, en tant que gars, as-tu déjà couché avec un gars? Non, la réponse c'est non. Mais dans le fond, t'es une Gold Star lesbienne. Parfait. OK. Voilà. Fait que le quiz est fini pour moi. Ouais, c'est... Non, non, mais non. Ah. Mais c'est... Tu peux être plusieurs choses, là. OK. Oui, oui, là. Des fois, il y a des appellations contrôlées de 3-4 types, là. Pasteurisées, je sais. Exactement. La prochaine, c'est Lipstick Lesbian ou Femme. C'est des lesbiennes qui adorent le linge, le maquillage et les souliers sont féminines, mais aiment les femmes. Ben ça, il y en a plusieurs dans nos communautés. On les voit pas tout le temps passer parce qu'on s'en aperçoit pas que c'est des lesbiennes. Non, c'est ça. C'est difficile. C'est celles qui ont l'air le plus féfilles, tu sais. Ouais, exactement. Les féfilles de toutes les femmes lesbiennes. Justin Bieber, je sais pas. Oh, ben non. Justin Bieber? Non. Qui trippe dessus, peut-être. Mais qui trippe ça, je sais okay, ça. OK, ben... Mais quoi que. Mais il y a un site sur lesbiennes sur le Justin Bieber. Mais il y en a une. Ah, mais il y en a plusieurs. Ouais. Mais il y en a une qui ressemble vraiment beaucoup. Elle jouait dedans. Pas qu'elle jouait, là, mais qu'elle était America's Got Talent, tout ça. Ça se peut. Je mange mes mots. America's Got Talent. Ben, je sais qu'il y en avait une dans la saison de Glee Project cette année. Ah, ça chante très bien. OK. C'est peut-être elle. Ouais, mais c'est peut-être elle. Ouais, parce qu'elle a sûrement fait parce qu'elle ressemble tellement. Ouais, tu vois, le site numéro 2. Le site numéro 2 de lesbienne, il parle de ça, entre autres, je pense. Pas mal la discussion qu'ils ont là-dessus. Oui, je suis désolée. Discussion de féfille, tu sais. OK, mais après la lipstick lesbienne, celle qui est vraiment féfille, il y a aussi la chapstick lesbienne, slash la soft butch, slash l'androgyne. Ah. C'est la lesbienne qui ne porte ni maquillage, ni robe, ni jupe. S'habille vraiment plus relax. On pourrait comparer une chapstick lesbienne un peu à Ellen DeGeneres. Oui, tout à fait. Okay. Fait qu'elle, on l'imagine plus avec un chapstick qu'avec un genre... un bâton Maybelline rouge 208, là, tu sais. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un que tu confondrais pour un gars. Non, exactement. C'est féminine, mais quelque peu. Pas tant féminine, ouais, c'est ça. C'est, pose c'est, des questions. C'est pour ça que ça s'appelle soft butch et non butch, parce que butch, c'est vraiment... on va y aller tout de suite. D'ailleurs, butch, c'est vraiment masculine. Et d'ailleurs, on va souvent avoir les duos butch et femme ou lipstick lesbienne qui vont se former. Ensemble, ben oui. Fait que souvent, la butch est la partenaire dominante dans la relation. Des fois, c'est autrement au lit. Ça dépend. Mm-hmm. Hein? Une prochaine, blue jeans femme. Blue jeans femme, ça, je m'identifie peut-être plus à ça. Féminine, mais ne porte pas de robe ou de jupe. Habillage plus casual. Porte le jeans, bien entendu, mais pas comme pas comme un homme. Là. Non. C'est des jeans de fille. Pas masculin, ouais. Jeans de fille. Un peu à mi-chemin entre le lipstick puis le chapstick. OK. Alors, c'est ça. Ensuite, il y a le futch. Le futch, c'est une lesbienne entre le butch et le femme. Fait que c'est n'importe qui est entre très masculin et très féminin. Mais dans le fond, ça s'applique à quasiment toutes les lesbiennes. C'est ça que c'est j'allais poche, dire. Hein? C'est très c'est large. Futch. Futch, c'est large. Futch that. Futch that. Ensuite, il y a les boys. B-O-I, avec un I. Tu sais, là, comme skater boy. Non, ouais. Fait que les boys, c'est une femme lesbienne qui ressemble en apparence à un homme. Fait qu'on va penser souvent avec une fille avec aucune poitrine, très maigre, là, souvent. Là. Ben, ou encore qui va s'arranger pour que sa poitrine soit moins visible. Oui, exactement. Potentiellement transsexuel, quoique pas toujours, et s'identifie surtout à son énergie masculine. Oui. Fait qu'il va vraiment comme en public plus... C'est ce qui surprend plus les gens en public. Là. Souvent, tu vas voir des boys comme ça. Oui, tu penses que c'est peut-être un garçon. Ben c'est ça, mais il y en a qui les regardent drôle puis finalement, ils font comme « Ah, crime, ah, c'est une fille, tu sais, genre, mais ils sont comme c'est outrés. » Ouais. Outrés. Ben, j'ai vu ça, pas moins. Moi, pas outré, moi, ouvert. Moi, homme des cavernes en ce moment, tu sais. Moi, mais ça. Bon, mais c'est ça. Voilà, mais tu sais, je veux dire, à Montréal, il y en a tout partout tout le temps. C'est ça. Mais à Trois-Rivières, ça peut surprendre certains. À Trois-Rivières, ça en surprend... Trop. Plusieurs. Beaucoup, beaucoup. Prochaine, moi, je l'adore, celui-là, c'est Power Dyke. Power lesbienne ou suit, là. Les Power Dykes, c'est quoi ça? Une lesbienne qui a acquis beaucoup de pouvoir au sein du mouvement LGBT, lesbienne, gay, bisexual, trans, ou dans sa communauté, en business, en politique, n'importe où, vraiment une femme d'influence. Ça peut être dans n'importe quel secteur. Et moi, je veux devenir une Power Dyke. Ah, c'est ton rêve? Oui, c'est mon rêve. Je veux devenir une Power Dyke. Cool. Je veux owner n'importe quel, n'importe quoi. Je veux devenir une grande scientifique Power Dyke. Qui va trouver le remède contre l'homophobie. Oui, mais c'est cool les Power Dyke. Mettons, j'essaie de trouver un exemple présentement. C'est que j'ai juste des exemples de Daddy Elwood parce que moi j'ai écouté ça puis il y en a un paquet là-dedans des la Power Dyke. La série télévisée. Mais tu sais, comme tu pourrais penser, comme mettons une rectrice homosexuelle serait une Power Dyke. Oui. Mais là, c'est pas le cas. Mais est-ce que Hélène. C'est pas le cas. Là. Non, non, je veux pas qu'elle. Corriger, là. Est-ce que Hélène pourrait être une Power Dyke? À sa propre compagnie de production, oui, mais talk show et tout. Si Ellen avait la même drive que Oprah, elle serait une power dyke. C'est pas le genre à vouloir du pouvoir nécessairement. Elle aime ça faire du divertissement. Ellen est plus drôle, comme fofolle un peu chapstick. Elle est pas mal plus chapstick que d'autres choses. Mais si Oprah était gay, là, ça serait une méchante power dyke. Ouais. Oh. Very power dyke. Ou admettons, genre, on regarde Condoleezza Rice, que moi je suis sûre que c'est une lesbienne refoulée. Okay. Ça, c'est une power dyke. Mm-hmm. Mais elle sait pas qu'elle est lesbienne. Bon, on ne dira pas à Condoleezza Rice, hein? Pauvre petite républicaine. Bon, Sport Dyke. C'est quoi Sport Dyke? C'est pas compliqué. Une lesbienne qui s'identifie surtout à titre d'athlète. Vraiment, porte du linge de sport. Tout est sport. Va porter des brossières de sport. Tout le temps des chouclaques d'un soulier, d'un pied, pas d'un soulier. Fait que ça, dans le monde homosexuel, si on y pense vite de même, il y aurait... Megan Rapinoe dedans l'équipe américaine de soccer. Bon, en tout cas, en soccer féminin, c'est presque toutes des sports dyke. Qu'elles soient dyke ou pas, sont toutes des sports dyke. C'est rendu là, on pense même plus à l'orientation sexuelle. Ils sont toutes sporty. Mais beaucoup de lesbiennes dedans le monde athlétique, celles-ci sont des sports dyke. On va passer maintenant au drag king. Drag king, ça, c'est un petit peu plus difficile d'accès. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, là, surtout que ça frôle un peu avec la transsexualité. C'est, dans le fond, une femme qui va s'habiller en homme dans le but de faire des spectacles, souvent. Habituellement, des lesbiennes, mais pas toujours. Fait que là, faut faire attention. Pas toutes les drag kings sont lesbiennes et pas toutes les drag queens sont gays non plus. Ça veut dire que le gars qui se déguise en femme n'est pas toujours... un homosexuel. Faut faire attention. Mythe. Le prochain, celui-là, je trouve très drôle, c'est le LUG. C'est quoi LUG? C'est Lesbian Until Graduation. C'est une femme qui a eu des expériences dans ses années d'études avec des femmes, mais qui finalement marie un homme, un chien, trois enfants dans les suburbs. Pourquoi que les suburbs, hein? Les banlieues, 450 chemin du golf. Exactement, voilà, il y en a gros à Laval. Ah oui. Et finalement, on va finir par, last but not least, c'est has-been. C'est quoi une has-been? Ça, c'est une femme qui était lesbienne, qui était vraiment la pure et dure lesbienne, et qui maintenant sort avec des hommes. Fait qu'un virage à l'envers. Eh bien. Hein, finalement, est-ce que vous vous êtes identifié avec des types de lesbiennes? Moi, j'ai dit, j'étais plus blue jeans. Moi, je serais une lipstick. Une lipstick? Ouais, parce que j'aime beaucoup être une femme. T'es pas une power dyke? Non, parce que... Ben, je sais... Non, je serais pas ça. Non, je serais pas une power dyke. Parce qu'ils sont très manipulatrices, hein, les power dykes. Là, c'est très... un peu comme dedans Glee. Si tu penses à la coach... Jane Lynch, ouais, c'est... Oui, OK. Mais elle, c'est vraiment lesbienne? Une lesbienne pour de vrai. Dans la vraie vie, c'est dans son rôle, elle n'est pas lesbienne. Dans son rôle, et dans elle, la elle vie, elle l'est. Oui, puis elle, c'est une power dyke solide. Ah, c'est une méchante power dyke. Ouais, OK. En tout cas, elle est peut-être pas lesbienne dedans l'émission, là, mais elle sait pas. Elle va faire un coming out dans son émission. Elle n'a pas le choix. Elle a un bébé. Et gay fois 1000. En tout cas, on ne dira pas. C'est pas grave. Puis, c'est ça. Hein? Je pense à mon numéro 1. C'est trop cute, le numéro 1, je le conserve. Mais là, tu sais, une petite gold star lesbienne. C'est cute. N'a jamais touché à un homme. Non. Il y avait aussi le lone star lesbienne, mais ça s'applique aux deux, à tous les types d'orientation sexuelle. C'est qu'il a couché avec seulement une personne. Oh! Ben, plusieurs fois peut-être, là, mais je dis juste un partenaire sexuel. Ouais. Mais tu sais, c'est ouais. Fun. Fait qu'une gold star, lone star lesbienne, là, ça fait beaucoup d'exclusivité. Là. Ouais. Ben, c'est tout. Ça finit ma chronique lesbéton, je pense pas mal, pour l'été aussi. Oui, c'est ça, exactement. Cet automne, tu reviens à Sondage Requis. Oui. En fait, au palmarès, c'est fou. Oui. Notons les choses comme elles le sont. Oui. Est-ce que tu reviens avec lesbéton ou tu reviendras avec d'autres choses? Je reviendrai pas avec lesbéton parce que il va falloir que pendant le fil de l'année que je réécoute un paquet d'autres films gays parce que là, je les ai tous épuisés, là, tous les films gays que j'ai vus. Mais il y en a plein d'autres, là. Je dis pas qu'il y en a pas d'autres, là. C'est juste que. Faut te faire une banque et. Faut que je me refasse une banque. Faut que je me refasse ma banque de musique et de films. Puis je vais vous revenir l'été prochain avec ça. Donc tu vas revenir avec tes tartines, là? Oui, mes tartines. Tes tartines de Justine? Oui. Parfait. À partir de dans deux semaines. Ben, à partir de quand tu veux. Mais je vais toujours être comme genre pas mal une fois par deux semaines. Une fois chaque semaine parce que la semaine d'avant, je vais avoir oublié ou je vais avoir. T'sais. On s'en reparle. Je vais être là quand je vais être là. D'accord. Je vous promets, je vais être là. Parfait. Merci, t'es fine, t'es bonne. Je suis bonne? Oui. Ouais. Justine Renaud. Merci. Yeah. Bon. Ah oui, on l'applaudit. Je m'applaudis. Hein? I'm a power dyke like that. On est juste deux à applaudir, les autres sont comme à côté, bien loin. Ça. En tout cas, ça marche pas. C'est pas grave. Bon. J'ai pardon. Alors, tout m'attend dans le corridor. On s'en va à la chasse aux lesbiennes. Oh oui, on s'en va. Oui, ben je pense que ça. Ouais, mais à Trois-Rivières, il y en a tellement pas. Sérieusement, là, quand je marche là, dans le centre-ville et que je croise une lesbienne, là, je m'arrête de bord, là, je suis comme, oh my god. Non, je dis pas salut. Là, c'est comme genre, on se regarde dans les yeux, on dit, t'es-tu vraiment. Oui. Ok, ben, bonne chance. Sérieux, c'est assez bizarre. Bon. Pauvre Trois-Rivières. Ben sortez un peu, tu sais. Ça va vous forcer à sortir. Ah, mais c'est plate, là. Ben oui, mais là. Dans la vie, hein, tu sais, on peut pas tout avoir tout de suite, tu sais, faut travailler, bon. Hein? Ça veut rien dire. Ça veut rien. J'essaie de finir sur une belle phrase, mais ça marche pas. Écoute, c'est bon. Justine Renaud, merci. Oui. Toujours avec Alexandra Carignan, Alexandre Cloutier et moi, Mathieu Plante. Alexandra, je te laisse parler un petit peu. Non. On s'en va entendre de la musique. Enfin, on retourne dans notre palmarès de l'été. Oui. Et on va l'entendre plus tard du Power, mais je te laisse commencer avec ça, là. Avec, ben oui, en fait, ça c'est, je vous dirais que c'est ma chanson préférée de tout ce que j'ai, de toutes les 10 positions que j'ai recensées. C'est que c'est bien avec Man of Simple Pleasure. Ah, c'est fou! Dans vos oreilles! Il reste rien qu'une demi-heure à la vie de croisière de Sondage. I got all I need to give me whiskey, man. nearly ending, but when I look outside, the birds are always singing. You broke sticks and bones. Remember, every dog will have his day. I'm on my way. C'était Parler avec la pièce Do You Remember, une de mes pièces préférées de l'été. Et juste avant, c'était Kasabian avec Man of Simple Pleasure, qui était une de mes chansons préférées de toute l'été. Oui, elle est entrée le 11 juin et elle a duré une bonne partie de l'été, je te dirais. Ben oui. Moi, je l'aime vraiment. Ça a été une de mes. Ça a été ma révélation de l'été, je pense, Kasabian. C'est vrai que c'est très bon. Maintenant, avant de continuer avec d'autres de nos suggestions musicales et plein d'autres affaires, on va continuer ce qu'on a commencé tantôt. Voici la deuxième partie de C'est un fait. Et cette fois-ci, c'est un fait Kinky Sexy Time. Oh. Toujours avec Justine Renaud, Alexandra Carignan, Alexandre Cloutier et moi-même Mathieu Plante. Hein? Ben oui, c'est toi ça. C'est ça, en dernier. Il est aussi là. Mais non, le moindre. C'est comme la cerise sur le Sunday. C'est gentil de me mentir. Ça, c'est nous autres le Sunday. Là. Ben oui, ben oui. Vous pouvez choisir vos saveurs. Là. Ok, moi, je suis au chocolat. Chocolat, Alexandra? Moi, je suis à la fraise. Alexandre? À la menthe. À la menthe, hey, hein, original. Ça marche pas, là. C'est pas napolitaine. Non. Tu suivais pas, toi, là. Moi, je suis la banane. Moi, je suis la banane sur le Sunday. Mais non, mais j'ai dit que c'était la cerise. Je peux-tu être une cerise, moi? Ah, tu peux être la cerise. Mais c'est lui, c'est une banane. Banane. Parfait, ok, j'avoue. Là, on se comprend. Donc, oui, parlant de banane, c'est ça. C'est un fait kinky, sexy time edition. Commençons par un mot que je vous demande de deviner. C'est quoi? La formicophilie, pardon. Pas folie, là. Formicophilie. Non. C'est le fétiche d'avoir de petits insectes qui te montent à l'intérieur ou sur ton appareil génital. Wow. Est-ce que j'ai averti les gens que c'est kinky, sexy time? Bon, oui? Mais là, c'est pas sexy, ça. Non, mais ça a un rapport avec... C'est déviant. Je vais travailler sur ma façon de formuler l'avertissement pour le public. D'ailleurs, justement, on s'en va le matin à partir de la semaine prochaine, comme toujours, à toutes les années. Et le matin, je vais essayer d'être moins descriptif et plus subtil dans mes définitions. Ça va? OK. Oh. Sinon, je ne pourrais pas la faire. Ouais, c'est ça. Certaines tribus américaines natives, c'est genre amérindiens, américains, amérindiens, utilisaient des besoins de buffalo, c'est l'animal, c'est des un bison, buffle, je sais pas, ouais, je crois, je pense. Comme aphrodisiaque. Il réduisait ça en poudre et le mettait dans de l'eau et buvait ça. C'est un aphrodisiaque des besoins de buffle. Besoin numéro 1, numéro 2, je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça. Number 2. Un autre mot à définir, la titilanie. G-N-I-E à la fin. En fait, je l'ai traduit en français, mais c'est titilania. Là. Non, ça vous dit rien? C'est d'être allumé, avoir des... tu sais, hein? Être allumé quand tu te fais chatouiller. Ah, oh, moi, ça marche pas. C'est bizarre, ça. J'ai ça pour mourir. Ouais. Encore une fois, un mot en anglais, bigamist. Tu sais, on entend souvent genre polygamist, bigamist, mais là, c'est bigamist. Non? Ça veut dire rien? Ouais, quelqu'un veut deviner? Non. C'est un homme qui a des relations sexuelles avec deux femmes, tandis qu'un beaverist, c'est une femme qui a des relations avec deux hommes. Ah, OK. OK. Parmi les couples mariés, les couples entre 18 et 24 ans ont le plus de relations sexuelles, donc environ 12 fois par mois. De 18 à 24 ans, bravo. Cléopâtre d'Égypte aurait présumément, là c'est, on accuse, accusatif, là, a présumément utilisé une petite boîte remplie d'abeilles comme vibrateur. Quoi? Ouais. Supposément, présumément, on dit que. On dit que. Moi, je suis sceptique sur ce fait historique. Ben voyons, va au sex shop du coin, là, quelque chose. Ça a aucunement l'air vrai. T'imagines-tu le sex shop qui met en boîte des abeilles? Des abeilles! Au moins, mettez du miel à quelque part là-dedans, ça va vous goûter ou sentir meilleur. Ah, tu niaises. Environ, approximativement entre 200 000 et 400 000 spermatozoïdes sont contenus dans une seule fois que ça sort. Là. J'essaie d'être... Je suis pas capable d'éjaculation, c'est pas vrai. Bon. J'ai averti le monde, là, c'est fait. Bon. C'est fait. Lâche-toi lousse. Il y avait environ 14 millions de pages de pornographie en 1998 sur Internet. En 2004, on en comptait 260 millions. Le commentaire de Ho Harry sur Twitter dit « C'est pas assez. » Devinez encore, la ménophilie. La méno... La quelqu'un qui aime une femme en ménopause. Hi, proche. Les trois premières lettres sont bonnes. M-E-N-S. Menstruous. Oh non, l'attirance sexuelle d'une femme menstruée. En fait, par rapport à... Elle est attirée par et non pas elle qui l'est attirée par. En tout cas, c'est un gars qui serait assez répandu. C'est des choses qui arrivent. C'est ça. La tristesse post-coïtale, est-ce qu'on dit ça en français? Oui, ça existe. C'est post-coïtale. Tu que post-coït. On a pas mal... Ça, c'est la même un conclusion. Joueur de hockey dans l'équipe... Post-coït. Post-coït. Post-coït. Okay. Donc, c'est le terme qu'on utilise quand on est mélancolique après avoir eu des relations. Donc, certaines personnes sont affectées par ça. Ils sont tristes après avoir eu des relations. Ah, il y en a plusieurs qui pleurent après la relation. Franchement. Ils sont vécus? Non. Mais... non, j'ai lu un livre. Certains garçons? Non, mais j'ai lu un livre. C'est un livre de chick-lit, là. Les... En tout cas, bref. Les gommes? Non. Littérature pour filles. C'est une littérature. Mais c'est ça, genre l'accro du shopping et tout. En tout cas, dans le livre, qui était Cocktail Club, ben, elle a pleuré après ça. En tout cas. Wow. Bon. Wow. Le mot en anglais, gymnasium, donc en français, on dirait un gymnase. Ça vient du mot grec gymnasine. Okay. Oh, non, pas la place où ce qui faisait plein d'amour. Ben, en fait, c'est la place où on fait des exercices nus. C'est littéralement l'endroit où on fait des exercices nus. Nus. Eh ben. Donc, arrêtez d'appeler ça un gymnase, c'est une salle d'entraînement, une salle de sport, une salle d'entraînement. La vitesse maximale à laquelle une sensation érotique voyage de la peau au cerveau a été calculée en termes de 1000 à l'heure. Est-ce que quelqu'un veut deviner? C'est à combien de 1000 à l'heure? Beaucoup. 156 000 à l'heure. Entre la peau et le cerveau, ce qui fait que tu as une sensation érotique. Et ben. Oui, mais ça, c'est pour n'importe quelle sensation. Hein. C'est bien stupide. Ben là, allô? Si tu veux, La vitesse à laquelle un neurone, tu sais, fire vers un autre neurone. Ce serait aussi impressionnant, ce serait valide et valable pour la chronique, c'est un fait. Tu sauras parce que je mets n'importe quoi dans cette chronique-là. Ça dépend du type. Oh, ah. En tout cas, scientifiquement, là, ça s'applique pas juste là, à... Okay. Je voulais juste que vous le sachiez là, que un orgasme, ça va pas bien plus vite que si tu te coupes un bras, là, tu sais. Okay. Donc, la morale est, abstenez-vous, coupez-vous un bras à place. Non, c'est ça. La seule façon de contraceptive, c'est de couper un bras. Bon. Coupe-toi un bras, garde-le pour demain. Ouais. Ça marche pas, ça? Non. Une autre sorte de bras, mais plus au sud, si j'essaie de subtil, là. Troisième bras, trépied, troisième pied, troisième jambe. Le troisième bras, ben troisième là. Jambe. Ça dépend de la grandeur. Moi, je dirais troisième jambe. Il y en a qui diraient troisième bras. Ça dépend. Parce que justement, c'est le but de la du prochain fait. Et là, j'avertis encore notre merveilleux public de requins, que cette chronique si particulièrement est des fois obscène. Quoique, j'utilise des termes médicaux. Donc, un petit pénis flaccide, mou. Ok, donc un petit pénis mou a généralement un plus grand pourcentage d'augmentation lors d'une érection qu'un gros pénis mou. Oui. Hein? Le matin, j'ai utilisé appareil. J'essayais, mais l'appareil masculin. L'appareil masculin. Mou, gros. T'sais? Le pourcentage d'érection. Ben oui. Est plus élevé quand t'es un plus petit. Ouais. Fait du bon sens. Ouais. Le fantasme le plus commun. Voulez-vous deviner le fantasme le plus commun? Dans la pluie. Dans la pluie, ok. Avec dans l'auto. D'accord. Oh, dans l'auto. Alexandre? Avec la bouffe. Avec wow, la bouffe. Kinky. Genre, ok. Très kinky. Avec quelqu'un qu'il faut pas. Non, c'est juste oral. Oral? Mmh. C'est le plus grand fantasme. C'est tout? Avec la bouffe. Ils sont bien plates. Oral ouais, dans la pluie. On parle du plus commun. Le plus commun étant Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Monsieur, Madame, Tout-le-Monde est plate en maudit. Ouais. Télé, là, si bol, ouais, oui. Mon Dieu, OK, oui. Bon. L'animal qu'on appelle le barnacle. Et là, je n'ai pas cherché encore une fois le terme français, mais barnacle. D'accord? Non, mais c'est... parce que dans How I Met Your Mother, c'est comme ça que Barney s'appelle lui-même. Barnacle! Barnacle! Mais c'est une espèce de petit mollusque coquillage style un peu, je pense. En tout cas, de sea barnacle, c'est, en tout cas, c'est marin. On appelle ça une bernache. Ouais. Ça se peut-tu? Oui. C'est ce qu'on me dit. Une dans bernache. Le bus magique, il y en avait. Bon. Dans le bus magique, c'est là que j'ai appris ça, les barnacles. Dans le magic school. Tu sais, le spurzle était kinky pas mal. Il était très kinky. Hein. Ça paraissait pas avec son petit chignon des fois. Donc, les bernaches sont les animaux les plus membrés. D'accord? Donc, leur appareil peut être 7 fois plus long que leur corps. Oh, boy! Oh, boy! Oh! Bernache et bernache, hein? Oh, ta bernache. Ta bernache. T'as tout compris. Et voilà pour la chronique, c'est un fait. C'est Sexy Kinky Time Edition. J'étais convaincue que c'était comme les lions de mer. Ça se dit-tu, ça? Sea Lion? Pas les Sea Lion, mais en tout cas, eux autres, là. Ben, je sais pas. Je cherche sur Google Images en ce moment. Ah non, mais pas ça. Ben, ça ressemble à une petite affaire de mer. Ça, c'est de la pornographie zoo. C'est vraiment des petites affaires, des petits crotons de mer, là, genre. Petits, ah, ben c'est ça. Écoute, je t'approche. Des petits crotons de mer. Dans une salade César. J'avais échappé mon crayon, c'est pour ça que je t'entends. C'est pas pour du sexy kinky time, parce que c'est fini. Hein? Ouais, c'est fini. On va retourner en musique quelques instants. On va l'entendre la prochaine pièce en fait de notre liste et j'ai envie de l'entendre du Reine de France. Correct. C'était un choix. Est-ce que c'était toi ou David, je crois, tantôt? C'était le choix de David. D'accord. Fallait bien y donner une petite fleur une fois de temps en temps. Mais donc, oui. Week-end perdu pour David de Reine de France. Et après ça, certaines autres de nos suggestions à la vie de croisière de la semaine. Oh là là. Oh là là. Ouh, hein? Kinky. Ouh, j'ai chaud. C'était pas si sexy que ça, hein, finalement. Mais c'était un peu troublant. Hein. Thank you. idée qui s'était endormie. Chinatown, la vie rêvée, c'était un choix d'Alexandra. Oui, c'était mon choix. Merveilleux choix. J'adore ça. Oui, et avant entendu, c'était Reine de France et Week-end perdu. Maintenant, c'est la Lady du jour. Lady du jour, Alexandra. Eh oui, ma Lady du jour. Donc, chaque semaine, je fais la lumière sur une femme importante dans l'histoire en général. Cette semaine, j'ai été un peu plus nationaliste, puisque ma Lady du jour, elle est québécoise. Julie Payette. Non. Manon Réaume. Non. Non. Et non, c'est Madeleine Parent, qui est une syndicaliste très importante dans l'histoire ben oui. du Attends, Québec. Ah, ben oui. Attends, pourquoi je la connais, moi? Je connais, moi. Ouais. Ben, continue. En fait, je suis pas la première à en parler. Là. Il y a souvent eu des portraits, il y a souvent eu des documentaires sur elle, puisque ça va être une femme vraiment importante dans les droits des travailleuses. En fait, elle est née à Montréal en 1918 et elle est l'aînée de deux enfants. Dès le couvent, elle affirme avoir vécu ses premières expériences dans l'inégalité au couvent, où les pensionnaires et les servantes du couvent avaient un traitement différent. Donc, elle, ça l'a vraiment choquée. Et elle va entreprendre des études en sociologie à l'Université McGill. À l'université, elle va militer au sein du Student Christian Movement et du Canadian Student Assembly pour l'obtention des bourses d'études aux jeunes issus des milieux défavorisés, dont des fils de cultivateurs. Donc, déjà, là, elle est juste rendue à l'université. Elle fait partie de plusieurs associations et elle met l'inégalité sur son piédestal pour dire « il faut enlever ça ». Elle va entrer dans les unions ouvrières en 1942 et va se lier d'amitié avec Kent Rowley, avec qui elle sera en couple jusqu'à la fin de sa vie. Elle va beaucoup agir dans les mouvements syndicalistes du 20e siècle, participant à l'Organisation des ouvriers de la Dominion Textile à Montréal, qui est une grande entreprise, sous la bannière des Ouvrières Unies du textile d'Amérique. Et là, en fait, on parle des syndicats, c'est que au milieu du 20e siècle, il y a la grande révolution industrielle qui apparaît, il y a beaucoup de personnes qui sont employées là-bas et il n'y a pas vraiment de normes de travail. Et c'est pour ça que les syndicats vont vraiment se développer, plus particulièrement pour les femmes aussi qui vont être encore plus en bas de l'échelle, souvent avec un salaire qui est moindre pour la même tâche qu'ils vont accomplir qu'un homme. Ah, les choses ont tellement changé depuis, hein? Ouais, effectivement. Un peu, mais pas assez. Ça dépend du secteur. Selon François Legault, ça n'a pas changé. C'est parfait. Hein. C'est ça. Elle va participer aux grèves d'employés d'usines de Saint-Henri, de Schlaga et de Valleyfield. Elle va d'ailleurs être arrêtée lors d'un affrontement entre la police et les grévistes à Valleyfield. En 1947, il y a la grève de La Chute qui la met encore sur la liste des personnes à arrêter. Et d'ailleurs, Maurice Duplessis va ordonner son arrestation personnelle. Oh, le maudit! Je l'ai eu, Colin. Donc, c'est un personnage assez particulier dans l'histoire. il va accuser ces jeunes femmes d'être de dangereuses communistes qui forcent les travailleurs à être en grève. Parce qu'on sait bien que Maurice Duplessis, son principal ennemi, c'est les communistes en général. Donc, tout ce qui n'est pas dans sa ligne de pensée est communiste. Alors, en 1948, elle va se faire arrêter avec son copain Kent pour conspiration séditieuse. Ooh. Kent sort après 6 mois, tandis que Madeleine sortira de prison en 1955, soit presque 10 ans après. Donc, c'est quand même assez monumental. En fait, c'est 7 ans après. Elle va s'exiler en Ontario et va faire le tour du Canada pour y créer des syndicats ouvriers dans le plus d'usines possible. Elle va revenir au Québec après la mort de Kent en 1978 et elle va militer à nouveau au sein du Comité d'action pour le statut de la femme qui travaille aussi sur la cause des immigrants et des autochtones. Elle va officiellement prendre sa retraite en 1983, mais va néanmoins continuer à militer pour diverses causes, dont le mariage gay, l'invasion américaine en Irak et l'intervention étrangère en Afghanistan. Elle va malheureusement mourir en 2012, donc c'est au mois de mars dernier qu'elle a rendu l'âme à l'âge de 93 ans. Tabarouette. Ouais, donc ça a été quand même une très grande syndicaliste féministe québécoise qui va être arrêtée 5 fois au total pour sa ferveur et ses convictions. Mmh. Alors, c'était le portrait de Madeleine Parent, fière féministe québécoise. C'était ma lady du jour. Et en son honneur, j'ai une chanson qui est particulière. C'est une chanson de Renan Luce qui s'appelle « Le chien mouillé ». Celle-là a un caractère, en fait, d'un homme qui aime donc bien sa blonde. Mais qui, sa blonde a donc bien du caractère. Et c'est ça qu'elle va jouer. Elle lève son majeur dans les embouteillages. Un joli doigt rageur à l'entrée du péage. Elle fouille dans mes affaires, elle me traite de papy. Elle me bat au bras de fer et m'envoie au tapis. Elle me déséquilibre d'une tape dans le dos. Et lance imprévisible son poing dans mes abdos. Elle casse le péroné de la moindre machine qui est venue claironner un peu trop près de mon jean. Je suis comme un chien mouillé se prendre tous les coups, les plus belles dérouillées, et suivre son maître partout. Regarde, c'est ses hématomes, tu vois, j'étais dans la peau, et ce mercurochrome dessine ton drapeau. Chercher le soir dans les commissariats. Tu chantes comme une baignoire et tu sens la vodka. Soirée entre copines ou virée de matelot. Ne change que la comptine, les mecs tous des salauds. Puis je te déshabille dans notre lit chez nous. Je pose mes béquilles, souvenirs de ton genou. De Morphée, tu dors tout en douceur. Dans mon bras, la morphine atténue la douleur. Je suis comme un chien mouillé qui peut se prendre tous les coups, les plus belles dérouillées, et suivre son maître partout. Regarde ses hématomes, tu vois, j'étais dans la peau, et ce mercurochrome dessine ton drapeau. Comme un chien mouillé qui peut se prendre tous les coups, les plus belles dérouillées, et suivre son maître partout. Regarde ses hématomes, tu vois, j'étais dans la peau, et ce mercurochrome dessine ton drapeau. Et c'était Renan Luce avec Chien mouillé qui décrivait une femme avec bien de caractère, comme l'était notre lady du jour, Madeleine Parent, fière syndicaliste féministe québécoise, décédée cette année. Oui, merci Alexandra. Et ça fait plaisir. Apparemment. Apparent, j'essaie de faire un jeu apparent. Apparent, apparent, tu sais. Apparent. Si t'avais fait, si on avait parlé de Kent Rowley, c'était Rowley? Kent Rowley, ouais. J'aurais pu dire que cet automne, tu t'es enrollé. Assez fou, encore une fois, pour faire l'émission Le Boudoir. Exactement, je vais revenir sur les ondes de C'est fou avec Mélissa, mon autre lady. On va reprendre Le Boudoir, qui est une émission à caractère féminine et avec de la bonne musique émergente. On va être de retour le 17 septembre. L'année dernière, on était à la plage horaire de 16h, mais là, on va être à 18h, donc 2h plus tard, mais toujours avec autant de fougue. Merveilleux, tu vas reprendre la lady du jour dans cette émission-là, si je comprends bien? Oui, exactement. C'est une chronique que j'ai. J'ai deux chroniques. J'ai la lady du jour et le truc de sacoche. Oui, ça, c'est toujours génial, en effet. Donc, voilà. Le Boudoir, dès le 17 septembre. À 18h. Exactement. On va te retrouver aussi dans Assemblage requis en formule normale et quotidienne. Oui. Ça va être quel jour et quelle heure déjà? Ça va être... moi, je sais que c'est à 8h15. C'est le lundi. Et c'est le lundi. À 8h15. C'est vrai, 8h15. Je vais avoir une chronique culturelle en lien avec les articles que je publie dans Zone Campus. Oui, t'es une des nouvelles journalistes en arts et spectacles. Ben oui, je suis une bébé. En fait, tu prends la place de Mélissa. Exact. Ben en fait, oui. Et c'est drôle parce que Mélissa a pris ma place à mon ancien travail. Aïe, et c'est quoi cette histoire-là? C'est vraiment le fun. On m'avait proposé un poste, j'ai dit non. Mélissa, ils l'ont proposé à Mélissa, puis elle a dit oui. Donc maintenant, elle travaille temps plein là-bas. Puis moi, j'ai pris son poste de journaliste. On s'est comme échangé nos jobs. Wow, on a échangé nos jobs. Ben oui, c'est une bonne émission, ça. Donc voilà pour Alexandra. Pour le reste des plugs de la journée, comme j'ai dit, à Assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h. On recommence mardi le 4 septembre avec François-Olivier Marchand et moi-même. Et puis les meilleurs moments, le meilleur de C'est fou, évidemment, aura lieu pendant la fin de semaine. Soyez au courant en visitant lecifou.ca. Nous, pour la vie de croisière d'Assemblage requis, ben, c'est malheureusement la fin de l'émission pour cet été. On a passé un bel été ensemble, Alex. Un très bel été. Merci beaucoup de m'avoir offert cette opportunité-là, Mathieu. Ça m'a fait extrêmement plaisir que tu acceptes. En fait, d'animer avec moi. Et non seulement tu as accepté de faire la vie de croisière tout l'été, mais tu as tellement aimé ça qu'apparemment, tu reviens avec les palmarès C'est fou avec moi. Ben oui, mais c'est un mystère encore. Ouais, c'est ça. On n'a pas le droit, en fait, légalement, de dire l'heure et le jour de diffusion. Mais regardez bien notre page Facebook. Oui, et cifou.ca. Et le site, juste en général, sur les internets, Twitter, Facebook, tout le monde va être au courant de la date du retour des palmarès C'est fou, mais avec exactement. Toi et moi. Exactement. Format de 2 heures. Justine Renaud. Oui. Tu vas être avec nous pour les palmarès C'est fou une semaine sur deux encore. Ben oui. Ça va être bon, ça? Ben, j'espère. Tu vas être en alternance avec DJ Catardi qui va nous faire sa chronique, elle aussi, toutes les 2 semaines, mais l'autre. Une excellente chronique aussi, d'ailleurs. Oui, ben tout le monde est bon, hein, cette mission-là. Ben oui, c'est pas compliqué. C'est comme un. Tu sais. On les a toutes, sont toutes ici. C'est ça, voilà. Donc, les palmarès, c'est fou, tenez-vous au courant. Et puis, sinon, ben, on va repasser cette édition de la vie de croisière d'assemblage requis, qui est en direct, là, jeudi, entre 13h et 17h. Ça repasse samedi, entre midi et 16h. Restez là pour C'est pas Cancun avec Maxime Tanguay. Oui, oui, qui va Pascal, avoir une, exactement. Ça vaut la peine. Qui va avoir exactement, ça vaut la peine. Ben, en fait, c'est que si dimanche, vous ne savez pas quoi faire, il y a un spécial 2h. Oui! C'est pas Cancun. J'oubliais. D'ailleurs, si vous l'avez déjà écouté, vous connaissez le pot de vin de la semaine de Monsieur Simon Potvin. Eh bien, pour la première fois en 2 ans, il sera en studio avec les garçons. Et un privilège! Ce n'est pas à manquer. C'est pas Cancun, en tout cas. C'est pas Cancun. Hein? C'est dimanche à partir de 19h. Voilà. Et puis, quoi d'autre à mentionner? On repasse aussi le lundi entre 15h et 19h. Le reste des émissions qui nous suivent, là, ça varie en ce moment. Il y a des émissions qui sont terminées, donc je ne mentionnerai pas des choses qui n'auront pas lieu. Là. Je le fais déjà assez souvent dans l'émission, comme mettons la chronique, Sex Smith, ça devrait répondre là. On la refera dans l'assemblage requis le matin. Et on a de la place en masse pour des chroniques là-dedans, entre deux autres chroniqueurs. Est-ce qu'on essaie de remercier les gens qui ont participé à l'émission tout l'été? On essaie. On peut essayer. Ça va être difficile. Réussir aussi. C'est ça. Donc, on remercie David Ferron. Oui. Pour la langue dans ton oreille. On remercie Alexandre Cloutier pour sa chronique invitée. Simon Fitzbé avec Pour les Nuls. Justine Renaud avec Les Béton. Oui. Merci. Qui d'autre? Mathieu Roy. Mathieu Roy avec sa chronique nautique. Kim Bergeron. Oui, aussi, qui était là au début. Il y a aussi Jasmine Raymond Drainville. Tout à fait, avec ses comptines de Jasmine. On a une chronique d'Anne-Julie qui va revenir à l'automne du Rocher. Voilà. Et. Ouais. C'est ça, c'est à peu près ça. Le reste, ben, on vous remercie quand même. On vous remercie quand même. Vous êtes bien fin. Beaucoup. Ouais. Et puis on se retrouve mardi à 7h pour Assemblage requis. Puis on se quitte avec des petits goélands. Bye, Alexandra. Bye, bye. Bonne fin de semaine, Justine aussi. Bonne fin de semaine. Soyez sages. Mais, ouais. C'est la fin de semaine de 3 jours, là. Soyez pas sages. Pourquoi tu me regardes de même, toi? Justine, bien haut, hein? Peux-tu te battre? Ouais. Dans le corridor. Dans le corridor. Ben, c'était ça. À côté du rack à bicycle. Ça mène nulle part. Ah!